et qui brûlait comme une torche géante, fut traîné contre les murs. On apporta vite des fagots, de la paille, un baril d'esprit de vin. Le feu monta le long des pierres. L'édifice se mit à fumer partout comme un solfatare. Et de larges flammes, au sommet, entre les balustres de la terrasse, s'échappaient avec un bruit strident. Le premier étage du palais royal s'était peuplé de gardes nationaux. De toutes les fenêtres de la place, on tirait, les balles sifflaient, l'eau de la fontaine crevée se mêlait avec le sang, faisait des flaques par terre. On glissait dans la boue sur des vêtements, des shakos, des armes. Frédéric sentit sous son pied quelque chose de mou. C'était la main d'un sergent capote grise, couché la face dans le ruisseau. Des bandes nouvelles de peuple arrivaient toujours, poussant les combattants sur le poste. La fusillade devenait plus pressée. Les marchands de vin étaient ouverts. On allait de temps à autre y fumer une pipe, boire une chope, puis on retournait se battre. Un chien perdu hurlait, cela faisait rire. Frédéric fut ébranlé par le choc d'un homme qui, une balle dans les reins, tomba sur son épaule en râlant. À ce coup, dirigé peut-être contre lui, il se sentit furieux. Il se jetait en avant quand un garde national l'arrêta. « C'est inutile, le roi vient de partir. »« Ah, si vous ne me croyez pas, allez-y voir !» Une pareille assertion calma Frédéric. La place du Carrousel avait un aspect tranquille. L'hôtel de Nantes s'y dressait toujours solitairement. Et les maisons par derrière, le dôme du Louvre en face, la longue galerie de bois à droite, et le vague terrain qui ondulait jusqu'aux baraques des étalagistes, étaient comme noyés dans la couleur grise de l'air, où de lointains murmures semblaient se confondre avec la brume, tandis qu'à l'autre bout de la place, un jour cru, tombant par un écartement des nuages sur la façade des Tuileries, découpait en blancheur toutes ses fenêtres. Il y avait près de l'Arc de Triomphe un cheval mort, étendu. Derrière les grilles, des groupes de 5 à 6 personnes causaient. Les portes du château étaient ouvertes. Les domestiques sur le seuil laissaient entrer. En bas, dans une petite salle, des bols de café au lait étaient servis. Quelques-uns des curieux s'attablèrent en plaisantant. Les autres restaient debout, et parmi ceux-là, un cocher de fiacre. Il saisit à deux mains un bocal plein de sucre en poudre, jeta un regard inquiet de droite et de gauche, puis se mit à manger voracement, son nez plongeant dans le goulot. Au bas du grand escalier, un homme écrivait son nom sur un registre. Frédéric le reconnut par derrière. « Tiens, Ussonnet !»« Mais oui, » répondit le bohème. « Je m'introduis à la cour. Voilà une bonne farce, hein ?»« Si nous montions ?» Et ils arrivèrent dans la salle des maréchaux. Les portraits de ces illustres, sauf celui de Bugeaud percé au ventre, étaient tous intacts. Ils se trouvaient appuyés sur leurs sabres, un affût de canon derrière eux, et dans des attitudes formidables jurant avec la circonstance. Une grosse pendule marquait 1h20. Tout à coup, la Marseillaise retentit. Ussonnet et Frédéric se penchèrent sur la rampe. C'était le peuple. Il se précipita dans l'escalier, en secouant un flot vertigineux des têtes nues, des casques, des bonnets rouges, des baïonnettes et des épaules, si impétueusement que des gens disparaissaient dans cette masse grouillante qui montait toujours, comme un fleuve refoulé par une marée d'équinoxe, avec un long mugissement, sous une impulsion irrésistible. En haut, elle se répandit et le chant tomba. On n'entendait plus que les piétinements de tous les souliers, avec le clapotement des voix. La foule inoffensive se contentait de regarder, mais de temps à autre, un coude trop à l'étroit enfonçait une vitre, ou bien un vase, une statuette, déroulait une console par terre. Les boiseries pressées craquaient. Tous les visages étaient rouges. La sueur en coulait à larges gouttes. Ussonnet fit cette remarque. « Les héros ne sentent pas bon. »« Ah, vous êtes agaçants !» reprit Frédéric. Et poussés malgré eux, ils entrèrent dans un appartement où s'étendait au plafond un dais de velours rouge. Sur le trône, en dessous, était assis un prolétaire à barbe noire, la chemise entrouverte, l'air hilar et stupide comme un magot. D'autres gravissaient l'estrade pour s'asseoir à sa place. « Quel mythe !» dit Ussonnet. « Voilà le peuple souverain !» Le fauteuil fut enlevé à bout de bras et traversa toute la salle en se balançant. Sa prolotte, comme il chaloupe. Le vaisseau de l'État est ballotté sur une mer orageuse. Qu'en canne-t-il ? On l'avait approché d'une fenêtre, et au milieu des sifflets, on le lança. « Pauvre vieux !» dit Ussonnet, en le voyant tomber dans le jardin, où il fut repris vivement pour être promené ensuite jusqu'à la Bastille et brûlé. Alors, une joie frénétique éclata, comme si, à la place du trône, un avenir de bonheur illimité avait paru. Et le peuple, moins par vengeance que pour affirmer sa possession, brisa, lacère les glaces et les rideaux, les lustres, les flambeaux, les tables, les chaises, les tabourets, tous les meubles, jusqu'à des albums de dessins, jusqu'à des corbeilles de tapisserie. Puisqu'on était victorieux, ne fallait-il pas s'amuser? La canaille s'affubla ironiquement de dentelles et de cachemire. Des crépines d'or s'enroulèrent aux manches des blouses, des chapeaux à plumes d'autruche ornaient la tête des forgerons, des rubans de la Légion d'honneur firent des ceintures aux prostituées. Chacun satisfaisait son caprice. Les uns dansaient, d'autres buvaient. Dans la chambre de la reine, une femme lustrait ses bandeaux avec de la pommade. Derrière un paravent, deux amateurs jouaient aux cartes. Hussonnet montra à Frédéric un individu qui fumait son brûle-gueule accoudé sur un balcon. Et le délire redoublait au tintamarre continu des porcelaines brisées et des morceaux de cristal qui sonnaient, en rebondissant, comme des lames d'harmonica. Puis la fureur s'assombrit. Une curiosité obscène fit fouiller tous les cabinets, tous les recoins, ouvrir tous les tiroirs. Des galériens enfoncèrent leurs bras dans la couche des princesses et se roulaient dessus par consolation de ne pouvoir les violer. D'autres, à figure plus sinistre, erraient silencieusement, cherchant à voler quelque chose. Mais la multitude était trop nombreuse. Par les baies des portes, on apercevait dans l'enfilade des appartements que la sombre masse du peuple entre les dorures, sous un nuage de poussière. Toutes les poitrines haletaient. La chaleur de plus en plus devenait suffocante. Les deux amis, craignant d'être étouffés, sortirent. Dans l'antichambre, debout sur un tas de vêtements, se tenait une fille publique, en statue de la liberté immobile, les yeux grands ouverts, effrayante. Ils avaient fait trois pas dehors, quand un peloton de gardes municipaux en capote s'avança vers eux et qui, retirant leur bonnet de police et découvrant à la fois leur crâne un peu chauve, saluèrent le peuple très bas. À ce témoignage de respect, les vainqueurs déguenillés se rengorgèrent. Hussonnet et Frédéric ne furent pas non plus sans en éprouver un certain plaisir. Une ardeur les animait. Ils s'en retournèrent au Palais-Royal. Devant la rue Fromenteau, des cadavres de soldats étaient entassés sur de la paille. Ils passèrent auprès impassiblement, étant même fiers de sentir qu'ils faisaient bonne contenance. Le palais regorgeait de monde. Dans la cour intérieure, sept bûchers flambaient. On lançait par les fenêtres des pianos, des commodes et des pendules. Des pompes à incendie crachaient de l'eau jusqu'au toit. Des chenapans tâchaient de couper des tuyaux avec leurs sabres. Frédéric engagea un polytechnicien à s'interposer. Le polytechnicien ne comprit pas, semblait imbécile d'ailleurs. Tout autour, dans les deux galeries, la populace, maîtresse des caves, se livrait à une horrible godaille. Le vin coulait en ruisseaux, mouillait les pieds, les voyous buvaient dans des culs de bouteille et vociféraient en titubant. « Sortons de là, » dit Hussonnet, « ce peuple me dégoûte. » Tout le long de la galerie d'Orléans, des blessés gisaient par terre sur des matelas, ayant pour couverture des rideaux de pourpre, et de petites bourgeoises du quartier leur apportaient des bouillons, du linge. « N'importe, » dit Frédéric, « moi, je trouve le peuple sublime. » Le grand vestibule était rempli par un tourbillon de gens furieux. Des hommes voulaient monter aux étages supérieurs pour achever de détruire tout. Des gardes nationaux sur les marches s'efforçaient de les retenir. Le plus intrépide était un chasseur, nu-tête, la chevelure hérissée, les buffles triés en pièces. Sa chemise faisait un bourrelet entre son pantalon et son habit, et elle se débattait au milieu des autres avec acharnement. Hussonnet, qui avait la vue perçante, reconnut de loin Arnoux. Puis, ils gagnèrent le jardin des Tuileries pour respirer plus à l'aise. Ils s'assirent sur un banc et ils restèrent pendant quelques minutes, les paupières closes, tellement étourdis qu'ils n'avaient pas la force de parler. Les passants autour d'eux s'abordaient. La duchesse d'Orléans était nommée régente. Tout était fini. Et on éprouvait cette sorte de bien-être qui suit les dénouements rapides quand à chacune des mansardes du château parurent des domestiques déchirant leurs habits de livrée. Ils le jetaient dans le jardin en signe d'abjuration. Le peuple les hua, ils se retirèrent. L'attention de Frédéric et d'Hussonnet fut distraite par un grand gaillard qui marchait vivement entre les arbres, avec un fusil sur l'épaule. Une cartouchière lui serrait à la taille sa vareuse rouge. Un mouchoir s'enroulait à son front sous sa casquette. Il tourna la tête, c'était Dussardier, et se jetant dans leurs bras. « Ah, quel bonheur, mes pauvres vieux !» sans pouvoir dire autre chose, tant il haletait de joie et de fatigue. Depuis 48 heures, il était debout. Il avait travaillé aux barricades du quartier latin, s'était battu rue Rambuteau, avait sauvé 3 dragons, était entré aux Tuileries avec la colonne du Noyer, s'était porté ensuite à la chambre, puis à l'hôtel de ville. « J'en arrive, Tout va bien. Le peuple triomphe. Les ouvriers et les bourgeois s'embrassent. Ah, si vous saviez ce que j'ai vu. Quels braves gens, comme c'est beau. Et sans s'apercevoir qu'ils n'avaient pas d'armes. J'étais bien sûr de vous trouver là. Ça a été rude un moment, n'importe. Une goutte de sang lui coulait sur la joue et aux questions des deux autres. Oh rien, les rafleurs d'une baïonnette. Il faudrait vous soigner pourtant. Bah, je suis solide. Qu'est-ce que ça fait? La République est proclamée. On sera heureux maintenant. Des journalistes qui causaient tout à l'heure devant moi disaient qu'on va affranchir la Pologne et l'Italie. Plus de roi, comprenez-vous? Toute la terre libre, toute la terre libre! Et embrassant l'horizon d'un seul regard, il écarta les bras, dans une attitude triomphante. Mais une longue file d'hommes courait sur la terrasse au bord de l'eau. Ah, saprelotte, j'oubliais. Les forts sont occupés, il faut que j'y aille. Adieu! Il se retourna pour leur crier, tout en brandissant son fusil. Vive la République! Des cheminées du château, il s'échappait d'énormes tourbillons de fumée noire qui emportaient des étincelles. La sonnerie des cloches faisait au loin comme des bêlements effarés. De droite et de gauche, partout, les vainqueurs déchargeaient leurs armes. Frédéric, bien qu'il ne fût pas guerrier, sentit bondir son sang gaulois. Le magnétisme des foules enthousiastes l'avait pris. Il humait voluptueusement l'air orageux, plein des senteurs de la poudre, et cependant, il frissonnait sous les effluves d'un immense amour, d'un attendrissement suprême et universel, comme si le cœur de l'humanité tout entière avait battu dans sa poitrine. Husson est dit en bâillant. « Il serait temps, peut-être, d'aller instruire les populations. » Frédéric le suivit à son bureau de correspondance, place de la Bourse. Il se mit à composer pour le journal de Troyes un compte-rendu des événements en style lyrique, un véritable morceau qu'il signa. Puis, ils dînèrent ensemble dans une taverne. Hussonnet était pensif. Les excentricités de la Révolution dépassaient les siennes. Après le café, quand ils se rendirent à l'hôtel de ville, pour savoir du nouveau, son naturel gamin avait repris le dessus. Il escaladait les barricades comme un chamois et répondait aux sentinelles des gaudrioles patriotiques. Ils entendirent, à la lueur des torches, proclamer le gouvernement provisoire. Enfin, à minuit, Frédéric, brisé de fatigue, regagna sa maison. « Eh bien, » dit-il à son domestique, en train de le déshabiller, « es-tu content ?»« Oui, sans doute, monsieur. Mais ce que je n'aime pas, c'est ce peuple en cadence. » Le lendemain, à son réveil, Frédéric pensa à Deslauriers. Il courut chez lui. L'avocat venait de partir, étant nommé commissaire de province. Dans la soirée de la veille, il était parvenu jusqu'à Ledru-Rollin et l'obsédant au nom des écoles en avait arraché une place, une mission. Du reste, disait le portier, il devait écrire la semaine prochaine pour donner son adresse. Après quoi, Frédéric s'en alla voir la maréchale. Elle le reçut aigrement, car elle lui en voulait de son abandon. Sa rancune s'évanouit sous des assurances de paix réitérées. Tout était tranquille maintenant, aucune raison d'avoir peur. Il l'embrassait. Elle se déclara pour la République, comme avait déjà fait Monseigneur l'archevêque de Paris, et comme devait faire avec une prestesse de zèle merveilleuse la magistrature, le Conseil d'État, l'Institut, les maréchaux de France, Changarnier, M. de Falloux, tous les bonapartistes, tous les légitimistes et un nombre considérable d'orléanistes. La chute de la monarchie avait été si prompte que la première stupéfaction passée, il y eut chez les bourgeois comme un étonnement de vivre encore. L'exécution sommaire de quelques voleurs, fusillés sans jugement, parut une chose très juste. On se redit, pendant un mois, la phrase de Lamartine sur le drapeau rouge, qui n'avait fait que le tour du Champ de Mars, tandis que le drapeau tricolore, etc. Et tous se rangèrent sous son ombre, chaque parti ne voyant des trois couleurs que la sienne, et se promettant bien, dès qu'il serait le plus fort, d'arracher les deux autres. Comme les affaires étaient suspendues, l'inquiétude et la badonnerie poussaient tout le monde hors de chez soi. Le négligé des costumes atténuait la différence des rangs sociaux. La haine se cachait, les espérances s'étalaient, la foule était pleine de douceur. L'orgueil d'un droit conquis éclatait sur les visages. On avait une gaieté de carnaval, des allures de bivac. Rien ne fut amusant comme l'aspect de Paris les premiers jours. Frédéric prenait la maréchale à son bras, et ils flânaient ensemble dans les rues. Elle se divertissait des rosettes décorant toutes les boutonnières, des étendards suspendus à toutes les fenêtres, des affiches de toutes couleurs placardées contre les murailles, et jetait çà et là quelques monnaies dans le tronc pour les blessés, établis sur une chaise, au milieu de la voie. Puis, elle s'arrêtait devant des caricatures qui représentaient Louis-Philippe en pâtissier, en saltimbanque, en chien, en sangsue. Mais les hommes de Cossidière, avec leurs sabres et leurs écharpes, l'effrayaient un peu. D'autres fois, c'était un arbre de la liberté qu'on plantait. Messieurs les ecclésiastiques concouraient à la cérémonie, bénissant la République, escortés par des serviteurs à galons d'or. Et la multitude trouvait cela très bien. Le spectacle le plus fréquent était celui des députations de n'importe quoi, allant réclamer quelque chose à l'hôtel de ville, car chaque métier, chaque industrie, attendait du gouvernement la fin radicale de sa misère. Quelques-uns, il est vrai, se rendaient près de lui pour le conseiller ou le féliciter, ou tout simplement pour lui faire une petite visite et voir fonctionner la machine. Vers le milieu du mois de mars, un jour qu'il traversait le pont d'Arcole, ayant à faire une commission pour Rosanette dans le quartier latin, Frédéric vit s'avancer une colonne d'individus à chapeau bizarre, à longue barbe. En tête et battant du tambour, marchait un nègre, un ancien modèle d'atelier, et l'homme qui portait la bannière sur laquelle flottait au vent cette inscription « Artiste peintre » n'était autre que Pellerin. Il fit signe à Frédéric de l'attendre, puis reparut 5 minutes après, ayant du temps devant lui, car le gouvernement recevait à ce moment-là les tailleurs de pierre. Il allait, avec ses collègues, réclamer la création d'un forum de l'art, une espèce de bourse où l'on débattrait les intérêts de l'esthétique. Des œuvres sublimes se produiraient, puisque les travailleurs mettraient en commun leur génie. Paris, bientôt, serait couvert de monuments gigantesques. Il les décorerait. Il avait même commencé une figure de la République. Un de ses camarades vint le prendre, car ils étaient talonnés par la députation du commerce de la volaille. « Quelle bêtise !» grommela une voix dans la foule. « Toujours des blagues, à rien de fort !» C'était Regimbard. Il ne salua pas Frédéric, mais profita de l'occasion pour y pendre son amertume. Le citoyen employait ses jours à vagabonder dans les rues, tirant sa moustache, roulant des yeux, acceptant et propageant des nouvelles lugubres. Et il n'avait que 2 phrases. « Prenez garde, nous allons être débordés !» Ou bien « Mais sacrebleu, on escamote la République !» Il était mécontent de tout, et particulièrement de ce que nous n'avions pas repris nos frontières naturelles. Le nom seul de Lamartine lui faisait hausser les épaules. Il ne trouvait pas le Trurolin suffisant pour le problème, traita Dupont de l'Eure, de vieille ganache, Albert d'idiot, Louis Blanc d'utopiste, Blanqui d'homme extrêmement dangereux, et quand Frédéric lui demanda ce qu'il aurait fallu faire, il répondit en lui serrant le bras le broyer. « Prends dans le rein, je vous dis, prends dans le rein, fichtre !» Puis il accusa la réaction. Elle se démasquait. Le sac des châteaux de Neuilly et de Suresnes, l'incendie des Batignolles, les troubles de Lyon, tous les excès, tous les griefs, on les exagérait à présent, en y ajoutant la circulaire de Ledru-Rollin, le cours forcé des billets de banque, la rente tombée à 60 francs. Enfin, comme iniquité suprême, comme dernier coup, comme surcroît d'horreur, l'impôt des 45 centimes. Et par-dessus tout cela, il y avait encore le socialisme. Bien que ces théories, aussi neuves que le jeu de loi, eussent été depuis 40 ans suffisamment débattues pour remplir des bibliothèques, elles épouvantèrent les bourgeois comme une grêle d'aérolite, et on fut indigné, en vertu de cette haine que provoque l'avènement de toute idée parce que c'est une idée, exécration dont elle tire plus tard sa gloire, et qui fait que ses ennemis sont toujours au-dessous d'elle, si médiocre qu'elle puisse être. Alors, la propriété monta dans les respects au niveau de la religion et se confondit avec Dieu. Les attaques qu'on lui portait parurent du sacrilège, presque de l'anthropophagie. Malgré la législation la plus humaine qui fut jamais, le spectre de 93 reparut et le couperet de la guillotine vibra dans toutes les syllabes du mot république, ce qui n'empêchait pas qu'on la méprisât pour sa faiblesse. La France, ne sentant plus de maître, se mit à crier d'effarement, comme un aveugle sans bâton, comme un marmot qui a perdu sa bonne. De tous les Français, celui qui tremblait le plus fort était M. d'Ambreuse. L'état nouveau des choses menaçait sa fortune, mais surtout dupait son expérience. Un système si bon, un roi si sage, était-ce possible? La terre allait crouler. Dès le lendemain, il congédia 3 domestiques, vendit ses chevaux, s'acheta, pour sortir dans les rues, un chapeau mou, pensa même à laisser croître sa barbe, et il restait chez lui, prostré, se repaissant amèrement des journaux les plus hostiles à ses idées, et devenu tellement sombre que les plaisanteries sur la pipe de Flocon n'avaient pas même la force de le faire sourire. Comme soutien du dernier règne, il redoutait les vengeances du peuple sur ses propriétés de la Champagne. Quand l'élucubration de Frédéric lui tomba dans les mains, alors il s'imagina que son jeune ami était un personnage très influent et qu'il pourrait, sinon le servir, du moins le défendre, de sorte qu'un matin, M. d'Ambreuse se présenta chez lui, accompagné de Martinon. Cette visite n'avait pour but, dit-il, que de le voir un peu et de causer. Somme toute, il se réjouissait des événements, et il adoptait de grand cœur notre sublime devise, liberté, égalité, fraternité, ayant toujours été républicain au fond. S'il votait, sous l'autre régime, avec le ministère, c'était simplement pour accélérer une chute inévitable. Il s'emporta même contre M. Guizot, qui nous a mis dans un joli pétrin, convenons-en. En revanche, il admirait beaucoup Lamartine, lequel s'était montré magnifique, ma parole d'honneur, quant à propos du drapeau rouge. « Oui, je sais, » dit Frédéric. Après quoi il déclara sa sympathie pour les ouvriers. « Car enfin, plus ou moins, nous sommes tous ouvriers. » Et il poussait l'impartialité jusqu'à reconnaître que Proudhon avait de la logique. « Oh, beaucoup de logique, diable !» Puis, avec le détachement d'une intelligence supérieure, il causa de l'exposition de peinture où il avait vu le tableau de Pellerin. Il trouvait cela original, bien touché. Martinon appuyait tous ces mots par des remarques approbatives. Lui aussi pensait qu'il fallait se rallier franchement à la République. Il parla de son père laboureur, faisait le paysan, l'homme du peuple. On arrivait bientôt aux élections pour l'Assemblée nationale et aux candidats dans l'arrondissement de La Fortelle. Celui de l'opposition n'avait pas de chance. « Vous devriez prendre sa place, » dit M. d'Ambreuse. Frédéric se récria. « Et pourquoi donc ?»« Car il obtiendrait les suffrages des ultras, vu ses opinions personnelles, celui des conservateurs, à cause de sa famille. »« Et peut-être aussi, » ajouta le banquier en souriant, « grâce un peu à mon influence. » Frédéric objecta qu'il ne saurait comment s'y prendre. Rien de plus facile, en se faisant recommander aux patriotes de Love par un club de la capitale. Il s'agissait de lire, non une profession de foi comme on en voyait quotidiennement, mais une exposition de principes sérieuses. Apportez-moi cela. Je sais ce qui convient dans la localité, et vous pourriez, je vous le répète, rendre de grands services au pays, à nous tous, à moi-même. Par des temps pareils, on devait s'entraider. Et si Frédéric avait besoin de quelque chose, lui ou ses amis... Oh, mille grâces, cher monsieur. À charge de revanche, bien entendu. Le banquier était un brave homme, décidément. Frédéric ne put s'empêcher de réfléchir à son conseil, et bientôt une sorte de vertige l'éblouit. Les grandes figures de la Convention passèrent devant ses yeux. Il lui sembla qu'une aurore magnifique allait se lever. Rome, Vienne, Berlin étaient en insurrection. Les Autrichiens chassés de Venise. Toute l'Europe s'agitait. C'était l'heure de se précipiter dans le mouvement, de l'accélérer peut-être. Et puis, il était séduit par le costume que les députés, disait-on, porteraient. Déjà, il se voyait en gilet à revers, avec une ceinture tricolore, et ce prurite, cette hallucination devint si forte qu'il s'en ouvrit à Dussardier. L'enthousiasme du brave garçon ne faiblissait pas. « Certainement, bien sûr, présentez-vous. » Frédéric, néanmoins, consulta Deslauriers. L'opposition idiote qui entravait le commissaire dans sa province avait augmenté son libéralisme. Il lui envoyait immédiatement des exhortations violentes. Cependant, Frédéric avait besoin d'être approuvé par un plus grand nombre, et il confia la chose à Rosanette un jour que Mademoiselle Vatnaz se trouvait là. Elle était une de ces célibataires parisiennes qui, chaque soir, quand elles ont donné leurs leçons, ou tâchaient de vendre de petits dessins, de placer de pauvres manuscrits, rentrent chez elles avec de la crotte à leurs jupons, font leur dîner, le mangent toutes seules, puis, les pieds sur une chaufferette, à la lueur d'une lampe malpropre, rêvent un amour, une famille, un foyer, la fortune, tout ce qui leur manque. Aussi, comme beaucoup d'autres, elle avait salué dans la Révolution l'avènement de la vengeance et elle se livrait à une propagande socialiste effrénée. L'affranchissement du prolétaire, selon la Vatnaz, n'était possible que par l'affranchissement de la femme. Elle voulait son admissibilité à tous les emplois, la recherche de la paternité, un autre code, l'abolition, ou tout au moins une réglementation du mariage plus intelligente. Alors, chaque Française serait tenue d'épouser un Français ou d'adopter un vieillard. Il fallait que les nourrices et les accoucheuses fussent des fonctionnaires salariés par l'État, qu'il y eût un jury pour examiner les œuvres de femmes, des éditeurs spéciaux pour les femmes, une école polytechnique pour les femmes, une garde nationale pour les femmes, tout pour les femmes. Et puisque le gouvernement méconnaissait leurs droits, elles devaient vaincre la force par la force. 10 000 citoyennes, avec de bons fusils, pouvaient faire trembler l'hôtel de ville. La candidature de Frédéric lui parut favorable à ses idées. Elle l'encouragea, en lui montrant la gloire à l'horizon. Rosanette se réjouit d'avoir un homme qui parlerait à la chambre. Et puis, on te donnera peut-être une bonne place. Frédéric, homme de toutes les faiblesses, fut gagné par la démence universelle. Il écrivit un discours et alla le faire voir à M. d'Ambreuse. Au bruit de la grande porte qui retombait, un rideau s'entr'ouvrit derrière une croisée. Une femme y parut. Il n'eut pas le temps de la reconnaître, mais dans l'antichambre, un tableau l'arrêta, le tableau de Pellerin, posé sur une chaise, provisoirement, sans doute. Cela représentait la République, ou le progrès, ou la civilisation, sous la figure de Jésus-Christ conduisant une locomotive, laquelle traversait une forêt vierge. Frédéric, après une minute de contemplation, s'écria « Quelle turpitude !»« N'est-ce pas, hein ?» dit M. d'Ambreuse. Survenu sur cette parole et s'imaginant qu'elle concernait non la peinture, mais la doctrine glorifiée par le tableau. Martinon arriva au même moment. Ils passèrent dans le cabinet, et Frédéric tirait un papier de sa poche quand Mademoiselle Cécile, entrant tout à coup, articula d'un air ingénu « Ma tante est-elle ici ?»« Tu sais bien que non, » répliqua le banquier. « N'importe, faites comme chez vous, mademoiselle. »« Oh, merci, je m'en vais. » À peine sorti, Martinon eut l'air de chercher son mouchoir. « Je l'ai oublié dans mon paletot, excusez-moi. »« Bien, » dit M. d'Ambreuse. Évidemment, il n'était pas dupe de cette manœuvre, et même semblait la favoriser. Pourquoi ? Mais bientôt, Martinon reparut et Frédéric entama son discours. Dès la seconde page, qui signalait comme une honte la prépondérance des intérêts pécuniaires, le banquier fit la grimace. Puis, abordant les réformes, Frédéric demandait la liberté du commerce. « Comment ? Mais permettez !» L'autre n'entendait pas et continua. Il réclamait l'impôt sur la rente, l'impôt progressif, une fédération européenne et l'instruction du peuple, des encouragements aux beaux-arts les plus larges. Quand le pays fournirait à des hommes comme Delacroix ou Hugo 100 000 francs de rente, où serait le mal ? Le tout finissait par des conseils aux classes supérieures. « N'épargnez rien, oh riche, donnez, donnez !» Il s'arrêta et resta debout. Ses deux auditeurs assis ne parlaient pas. Martinon écarquillait les yeux. M. d'Ambreuse était tout pâle. Enfin, dissimulant son émotion sous un aigre sourire, « C'est parfait, votre discours !» Il inventa beaucoup la forme pour n'avoir pas à s'exprimer sur le fond. Cette virulence de la part d'un jeune homme inoffensif l'effrayait, surtout comme symptôme. Martinon tâcha de le rassurer. Le parti conservateur, d'ici peu, prendrait sa revanche, certainement. Dans plusieurs villes, on avait chassé les commissaires du gouvernement provisoire. Les élections n'étaient fixées qu'au 23 avril, on avait du temps. Bref, il fallait que M. d'Ambreuse lui-même se présenta dans l'aube, et dès lors, Martinon ne le quitta plus, devint son secrétaire et l'entoura de soins filiaux. Frédéric arriva fort content de sa personne chez Rosanette. Delmar y était, et lui apprit que définitivement il se portait comme candidat aux élections de la Seine. Dans une affiche adressée au peuple et où il le tutoyait, l'acteur se vantait de le comprendre, lui, et de s'être fait, pour son salut, crucifié par l'art, si bien qu'il était son incarnation, son idéal. Croyant effectivement avoir sur les masses une influence énorme, jusqu'à proposer plus tard dans un bureau de ministère de réduire une émeute à lui seul, et quant aux moyens qu'il emploierait, il fit cette réponse « N'ayez pas peur, je leur montrerai ma tête. » Frédéric, pour le mortifier, lui notifia sa propre candidature. Le cabotin, du moment que son futur collègue visait la province, se déclara son serviteur et offrit de le piloter dans les clubs. Ils les visitèrent tous, ou presque tous, les rouges et les bleus, les furibonds et les tranquilles, les puritains, les débraillés, les mystiques et les pochards, ceux où l'on décrétait la mort des rois, ceux où l'on dénonçait les fraudes de l'épicerie, et partout, les locataires maudissaient les propriétaires, la blouse s'en prenait à l'habit, et les riches conspiraient contre les pauvres. Plusieurs voulaient des indemnités comme anciens martyrs de la police. D'autres imploraient de l'argent pour mettre en jeu des inventions, ou bien c'était des plans de phalanstères, des projets de bazars cantonaux, des systèmes de félicité publique. Puis ça et là, un éclair d'esprit dans ces nuages de sottises, des apostrophes, soudaines comme des éclaboussures, le droit formulé par un juron, et des fleurs d'éloquence aux lèvres d'un goujat, portant à cru le baudrier d'un sabre sur sa poitrine sans chemise. Quelquefois aussi figurait un monsieur, aristocrate humble d'allure, disant des choses plébéiennes et qui ne s'était pas lavé les mains pour les faire paraître calleuses. Un patriote le reconnaissait, les plus vertueux le houspillaient et il sortait la rage dans l'âme. On devait, par affectation de bon sens, dénigrer toujours les avocats et servir le plus souvent possible ses locutions à porter sa pierre à l'édifice, problème social, atelier. Delmar ne ratait pas les occasions d'empoigner la parole, et quand il ne trouvait plus rien à dire, sa ressource était de se camper, le poing sur la hanche, l'autre bras dans le gilet, en se tournant de profil brusquement, de manière à bien montrer sa tête. Alors, des applaudissements éclataient, ceux de Mademoiselle Vatnaz, au fond de la salle. Frédéric, malgré la faiblesse des orateurs, n'osait se risquer. Tous ces gens lui semblaient trop incultes ou trop hostiles. Mais Dussardier se mit en recherche et lui annonça qu'il existait, rue Saint-Jacques, un club intitulé le Club de l'Intelligence. Un nom pareil donnait bon espoir. D'ailleurs, il amènerait des amis. Il amena ceux qu'il avait invités à son punch. Le teneur de livres, le placeur de vin, l'architecte. Pellerin même était venu. Peut-être Cussonnet allait venir. Et sur le trottoir, devant la porte, stationnait Rogimbard avec deux individus, dont le premier était son fidèle compain, homme un peu courtaud, marqué de petites véroles, les yeux rouges, et le second, une espèce de singe nègre, extrêmement chevelu, et qu'il connaissait seulement pour être un patriote de Barcelone. Ils passèrent par une allée, puis furent introduits dans une grande pièce, à usage de menuisier sans doute, et dont les murs encore neufs sentaient le plâtre. Quatre quinquets accrochés parallèlement y faisaient une lumière désagréable. Sur une estrade, au fond, il y avait un bureau avec une sonnette, en dessous une table figurant la tribune, et de chaque côté, deux autres plus basses pour les secrétaires. L'auditoire qui garnissait les bancs était composé de vieux rapins, de pions, d'hommes de lettres inédits. Sur ces lignes de paletots à collet gras, on voyait de place en place le bonnet d'une femme ou le bourgeron d'un ouvrier. Le fond de la salle était même plein d'ouvriers, venus là sans doute par désœuvrement, ou qu'avaient introduit des orateurs pour se faire applaudir. Frédéric eut soin de se mettre entre Dussardier et Rogimbard, qui, à peine assis, posa ses deux mains sur sa canne, son menton sur ses deux mains, et ferma les paupières, tandis qu'à l'autre extrémité de la salle, Delmar, debout, dominait l'assemblée. Au bureau du président, Sénécal parut. Cette surprise, avait pensé le bon commis, plairait à Frédéric. Elle le contraria. La foule témoignait à son président une grande déférence. Il était de ceux qui, le 25 février, avaient voulu l'organisation immédiate du travail. Le lendemain, au Prado, il s'était prononcé pour qu'on attaquât l'hôtel de ville. Et comme chaque personnage se réglait alors sur un modèle, l'un copiant Saint-Just, l'autre Danton, l'autre Marat, lui, il tâchait de ressembler à Blanqui, lequel imitait Robespierre. Ses gants noirs et ses cheveux en brosse lui donnait un aspect rigide, extrêmement convenable. Il ouvrit la séance par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, acte de foi habituel, puis une voix vigoureuse entonna les souvenirs du peuple de Béranger. D'autres voix s'élevèrent. « Non, non, pas ça ! La casquette !» se mirent à hurler, au fond, les patriotes. Et ils chantèrent, en chœur, la poésie du jour. « Chapeau bas devant ma casquette, à genoux devant l'ouvrier !» Sur un mot du président, l'auditoire se tut. Un des secrétaires procéda au dépouillement des lettres. Des jeunes gens annoncent qu'ils brûlent chaque soir devant le Panthéon un numéro de l'Assemblée nationale. Ils engagent tous les patriotes à suivre leur exemple. « Bravo, adopté !» répondit la foule. le citoyen Jean-Jacques Langreneux, typographe, rue Dauphine, voudrait qu'on élevât un monument à la mémoire des martyrs de Thermidor. Michel Évariste Népomucène Vincent, ex-professeur, émet le vœu que la démocratie européenne adopte l'unité de langage. On pourrait se servir d'une langue morte, comme par exemple du latin perfectionné. Non, pas de latin, s'écria l'architecte. Pourquoi ? Reprit un maître d'études. Et ces deux messieurs engagèrent une discussion où d'autres se mêlèrent, chacun jetant son mot pour éblouir et qui ne tarda pas à devenir tellement fastidieuse que beaucoup s'en allaient. Mais un petit vieillard, portant au bas de son front prodigieusement haut des lunettes vertes, réclama la parole pour une communication urgente. C'était un mémoire sur la répartition des impôts. Les chiffres découlaient, cela n'en finissait plus. L'impatience éclatait d'abord en murmures, en conversation. Rien ne le troublait. Puis on se mit à siffler, on appelait Azor, Sénécal gourmanda le public. L'orateur continuait comme une machine. Il fallut, pour l'arrêter, le prendre par le coude. Le bonhomme eut l'air de sortir d'un songe et levant tranquillement ses lunettes. « Pardon, citoyen, pardon, je me retire, mille excuses !» L'insuccès de cette lecture déconcerta Frédéric. Il avait son discours dans sa poche, mais une improvisation eut mieux valu. Enfin, le président annonça qu'ils allaient passer à l'affaire importante, la question électorale. On ne discuterait pas les grandes listes républicaines. Cependant, le club de l'intelligence avait bien le droit, comme un autre, d'en former une, n'en déplaise à messieurs les pachas de l'hôtel de ville. Et les citoyens qui briguaient le mandat populaire pouvaient exposer leur titre. « Allez-y donc !» dit Dussardier. Un homme en soutane, crépus et de physionomie pétulante, avait déjà levé la main. Il déclara, en bredouillant, s'appeler Ducreteau, prêtre et agronome, auteur d'un ouvrage intitulé « Des engrais ». On le renvoya vers un cercle horticole. Puis, un patriote en blouse gravit la tribune. Celui-là était un plébéien, large d'épaules, une grosse figure très douce et de longs cheveux noirs. Il parcourut l'assemblée d'un regard presque voluptueux, se renversa la tête et enfin, écartant les bras, « Vous avez repoussé Ducreteau, oh mes frères, et vous avez bien fait, mais ce n'est pas par irréligion, car nous sommes tous religieux. » Plusieurs écoutaient, la bouche ouverte, avec des airs de catéchumène, des poses extatiques. Ce n'est pas non plus parce qu'il est prêtre, car nous aussi, nous sommes prêtres. L'ouvrier est prêtre, comme l'était le fondateur du socialisme, notre maître à tous, Jésus-Christ. Le moment était venu d'inaugurer le règne de Dieu. L'évangile conduisait tout droit à 89. Après l'abolition de l'esclavage, l'abolition du prolétariat. On avait eu l'âge de haine, allait commencer l'âge d'amour. Le christianisme est la clé de voûte et le fondement de l'édifice nouveau. « Vous fichez-vous de nous ?» s'écria le placeur d'alcool. « Qu'est-ce qui m'a donné un calotin pareil ?» Cette interruption causa un grand scandale. Presque tous montèrent sur les bancs et le poing tendu vociférait « Athée, aristocrate, canaille !» pendant que la sonnette du président tintait sans discontinuer et que les cris « à l'ordre !» redoublaient. Mais intrépide, et soutenu d'ailleurs par trois cafés pris avant de venir, il se débattait au milieu des autres. « Comment, moi, un aristocrate, allons donc ?» Admis enfin à s'expliquer, il déclara qu'on ne serait jamais tranquille avec les prêtres, et puisqu'on avait parlé tout à l'heure d'économie, ce serait une fameuse que de supprimer les églises, les Saint-Ciboire et finalement tous les cultes. Quelqu'un lui objecta qu'il allait loin. « Oui, je vais loin, mais quand un vaisseau est surpris par la tempête, sans attendre la fin de la comparaison, un autre lui répondit « D'accord, mais c'est démolir d'un seul coup, comme un maçon sans discernement. « Vous insultez les maçons !» hurla un citoyen couvert de plâtre. Et s'obstinant à croire qu'on l'avait provoqué, il vomit des injures, voulait se battre, se cramponnait à son banc. Trois hommes ne furent pas de trop pour le mettre dehors. Cependant, l'ouvrier se tenait toujours à la tribune. Les deux secrétaires l'avertirent d'en descendre. Il protesta contre le passe-droit qu'on lui faisait. « Vous ne m'empêcherez pas de crier. Amour éternel à notre chère France, amour éternel aussi à la République. »« Citoyen, » dit alors Compin, « citoyen. » Et à force de répéter « citoyen », ayant obtenu un peu de silence, il appuya sur la tribune ses deux mains rouges, pareilles à des moignons, se porta le corps en avant et clignant des yeux. « Je crois qu'il faudrait donner une plus large extension à la tête de veau. » Tous se taisaient, croyant avoir mal entendu. « Oui, la tête de veau !» 300 rires éclatèrent d'un seul coup. Le plafond trembla. Devant toutes ces faces bouleversées par la joie, Compin se reculait. Il reprit d'un ton furieux. « Comment ? Vous ne connaissez pas la tête de veau ?» Ce fut un paroxysme, un délire. On se pressait les côtes. Quelques-uns même tombaient par terre, sous les bancs. Compin, n'y tenant plus, se réfugia près de Regimbard, et il voulait l'entraîner. « Non, je reste jusqu'au bout, » dit le citoyen. Cette réponse détermina Frédéric, et comme il cherchait de droite et de gauche ses amis pour le soutenir, il aperçut, devant lui, Pellerin à la tribune. L'artiste le prit de haut avec la foule. « Je voudrais savoir un peu où est le candidat de l'art dans tout cela. Moi, j'ai fait un tableau. Nous n'avons que faire de tes tableaux, » dit brusquement un homme maigre, ayant des plaques rouges aux pommettes. Pellerin se récria qu'on l'interrompait, mais l'autre, d'un ton tragique, « Est-ce que le gouvernement n'aurait pas dû déjà abolir, par un décret, la prostitution et la misère ?» Et, cette parole lui ayant livré tout de suite la faveur du peuple, il tonna contre la corruption des grandes villes. « Honte et infamie ! On devrait appeler les bourgeois au sortir de la maison d'or et leur cracher à la figure. Au moins, si le gouvernement ne favorisait pas la débauche. Mais les employés de l'octroi sont envers nos filles et nos sœurs d'une indécence. » Une voix proféra de loin. « C'est rigolo. À la porte. On tire de nous des contributions pour solder le libertinage. Ainsi, les forts appointements d'acteurs. À moi !» s'écria Delmar. Il bondit à la tribune, écarta tout le monde, prit sa pause, et déclarant qu'il méprisait d'aussi plates accusations, s'étendit sur les missions civilisatrices du comédien. Puisque le théâtre était le foyer de l'instruction nationale, il votait pour la réforme du théâtre, et d'abord, plus de direction, plus de privilèges. « Oui, d'aucune sorte !» Le jeu de l'acteur réchauffait la multitude, et des motions subversives se croisaient. « Plus d'académie, plus d'instituts, plus de missions, plus de baccalauréat. À bas les grades universitaires !»« Conservons-les, » dit Sénécal, « mais qu'ils soient conférés par le suffrage universel, par le peuple, seul vrai juge !» Le plus utile, d'ailleurs, n'était pas cela. Il fallait d'abord passer le niveau sur la tête des riches. Et il les représenta se gorgeant de crimes sur leur plafond doré, tandis que les pauvres, se tordant de faim dans leur galta, cultivaient toutes les vertus. Les applaudissements devinrent si forts qu'il s'interrompit. Pendant quelques minutes, il resta les paupières closes, la tête renversée, et comme se berçant sur cette colère qu'il soulevait. Puis, il se remit à parler d'une façon dogmatique, en phrases impérieuses comme des lois. L'État devait s'emparer de la banque et des assurances. Les héritages seraient abolis. On établirait un fonds social pour les travailleurs. Bien d'autres mesures étaient bonnes dans l'avenir. Celles-là, pour le moment, suffisaient. Et revenant aux élections, il nous faut des citoyens purs, des hommes entièrement neufs. Quelqu'un se présentera-t-il ? Frédéric se leva. Il eut un bourdonnement d'approbation causé par ses amis. Mais Sénécal, prenant une figure à la Fouquier-Tinville, se mit à l'interroger sur ses noms, prénoms, antécédents, vie et mœurs. Frédéric lui répondait sommairement et se mordait les lèvres. Sénécal demanda si quelqu'un voyait un empêchement à cette candidature. « Non, non !» Mais lui, il en voyait. Tous se penchèrent et tendirent les oreilles. Le citoyen postulant n'avait pas livré une certaine somme promise pour une fondation démocratique, un journal. De plus, le 22 février, bien que suffisamment averti, il avait manqué au rendez-vous, place du Panthéon. « Je jure qu'il était aux Tuileries !» s'écria Dussardier. « Pouvez-vous jurer l'avoir vu au Panthéon ?» Dussardier baissa la tête. Frédéric se taisait. Ses amis scandalisés le regardaient avec inquiétude. « Au moins, » reprit Sénécal, « connaissez-vous un patriote qui nous réponde de vos principes ?»« Moi !» dit Dussardier. « Oh, cela ne suffit pas, un autre !» Frédéric se tourna vers Pellerin. L'artiste lui répondit par une abondance de gestes qui signifiait « Ah, mon cher, ils m'ont repoussé. Diable, que voulez-vous » Alors Frédéric poussa du coude Regimbard. « Oui, c'est vrai, il est temps, j'y vais. » Et Regimbard enjamba l'estrade, puis, montrant l'Espagnol qui l'avait suivi, « Permettez-moi, citoyen, de vous présenter un patriote de Barcelone. » Le patriote fit un grand salut, roula comme un automate ses yeux d'argent et la main sur le cœur. « Ciudadanos !» Mucho aprecio el honor que me dispensáis, y si grande vuestra bondad mayor es vuestra atención.

Autrefois, les Gauloises légiféraient. Les Anglo-Saxonnes aussi. Les épouses des Hurons faisaient partie du Conseil. L'œuvre civilisatrice était commune. Il fallait tout y concourir et substituer enfin à l'égoïsme la fraternité, à l'individualisme l'association, au morcellement la grande culture. Allons bon, tu te connais en culture à présent. Pourquoi pas? D'ailleurs, il s'agit de l'humanité, de son avenir. Mêle-toi du tien. Ça me regarde. Elle se fâchait. Frédéric s'interposa. La vatenaze s'échauffait et arrivait même à soutenir le communisme. « Quelle bêtise !» dit Rosanette. « Est-ce que jamais ça pourra se faire ?» L'autre citait en preuve les Esséniens, les frères Moraves, les jésuites du Paraguay, la famille des Pingons près de Thiers, en Auvergne. Et comme elle gesticulait beaucoup, sa chaîne de montre se prit dans son paquet de breloques un petit mouton d'or suspendu. Tout à coup, Rosanette pâlit extraordinairement. Mademoiselle Vatenaz continue à dégager son bibelot. « Ne te donne pas tant de mal, » dit Rosanette. « Maintenant je connais tes opinions politiques. »« Quoi ?» reprit la Vatenaz, devenue rouge comme une vierge. « Oh, tu me comprends. » Frédéric ne comprenait pas. Entre elles, évidemment, il était survenu quelque chose de plus capital et de plus intime que le socialisme. « Et quand cela serait ?» répliqua la Vatenaz, se redressant intrépidement. « C'est un emprunt, ma chère, dette pour dette. » Parbleu, je ne nie pas les miennes. Pour quelques 1000 francs, belle histoire. J'emprunte au moins, je ne vole personne. » Mademoiselle Vatenaz s'efforça de rire. « Oh, j'en mettrai ma main au feu. Prends garde, elle est assez sèche pour brûler. » La vieille fille lui présenta sa main droite et la gardant levée juste en face d'elle. « Mais il y a de tes amis qui la trouvent à leur convenance. Des Andalous alors, comme Castagnette, Gueuse. » La maréchale fit un grand salut. « On n'est pas plus ravissante. » Mademoiselle Vatenaz ne répondit rien. Des gouttes de sueur parurent à ses tempes. Ses yeux se fixaient sur le tapis. Elle haletait. Enfin, elle gagna la porte, et la faisant claquer vigoureusement. « Bonsoir, vous aurez de mes nouvelles. À l'avantage, » dit Rosanette. Sa contrainte l'avait brisée. Elle tomba sur le divan, toute tremblante, balbutiant des injures, versant des larmes. Était-ce cette menace de la Vatenaz qui la tourmentait? Et non, elle s'en moquait bien. À tout compter, l'autre lui devait de l'argent, peut-être. C'était le mouton d'or, un cadeau. Et au milieu de ses pleurs, le nom de Delmar lui échappa. Donc elle aimait le cabotin. Alors pourquoi m'a-t-elle pris? Se demanda Frédéric. D'où vient qu'il est revenu? Qui la force à me garder? Quel est le sens de tout cela? Les petits sanglots de Rosanette continuaient. Elle était toujours au bord du divan, étendue de côté, la joue droite sur ses deux mains, et semblait un être si délicat, inconscient et endolori, qu'il se rapprocha d'elle et la baisa au front, doucement. Alors, elle lui fit des assurances de tendresse. Le prince venait de partir, il serait libre. Mais elle se trouvait pour le moment gênée. Tu l'as vu toi-même l'autre jour, quand j'utilisais mes vieilles doublures. Plus d'équipage à présent, et ce n'était pas tout. Le tapissier menaçait de reprendre les meubles de la chambre et du grand salon. Elle ne savait que faire. Frédéric eut envie de répondre « Ne t'inquiète pas, je paierai. » Mais la dame pouvait mentir. L'expérience l'avait instruit. Il se borna simplement à des consolations. Les craintes de Rosanette n'étaient pas vaines. Il fallut rendre les meubles et quitter le bel appartement de la rue Drouot. Elle en prit un autre, sur le boulevard Poissonnière, au 4e. Les curiosités de son ancien boudoir furent suffisantes pour donner aux 3 pièces un air coquet. On eut des stores chinois, une tente sur la terrasse. Dans le salon, un tapis de hasard encore tout neuf, avec des poufs de soie rose. Frédéric avait contribué largement à ses acquisitions. Il éprouvait la joie d'un nouveau marié qui possède enfin une maison à lui, une femme à lui. Et se plaisant là beaucoup, il venait y coucher presque tous les soirs. Un matin, comme il sortait de l'antichambre, il aperçut au 3e étage, dans l'escalier, le shako d'un garde national qui montait. Où allait-il donc? Frédéric attendit. L'homme montait toujours, la tête un peu baissée. Il leva les yeux. C'était le sieur Arnoux. La situation était claire. Ils rougirent en même temps, saisis par le même embarras. Arnoux, le premier, trouva moyen d'en sortir. Elle va mieux, n'est-il pas vrai? Comme si Rosanette étant malade, il se fût présenté pour avoir de ses nouvelles. Frédéric profita de cette ouverture. « Oui, certainement. sa bonne maladie, du moins, voulant faire entendre qu'on ne l'avait pas reçue. Puis, ils restèrent face à face, irrésolus l'un et l'autre, et s'observant. Cet état qui des deux ne s'en irait pas. Arnoux, encore une fois, trancha la question. « Ah, bah, je reviendrai plus tard. Où voulez-vous aller? Je vous accompagne. » Et quand ils furent dans la rue, il causa aussi naturellement que d'habitude. Sans doute, il n'avait point le caractère jaloux. Ou bien il était trop bonhomme pour se fâcher. D'ailleurs, la patrie le préoccupait. Maintenant, il ne quittait plus l'uniforme. Le 29 mars, il avait défendu les bureaux de la presse. Quand on envahit la chambre, il se signala par son courage, et il fut du banquet offert à la garde nationale d'Amiens. Hussonnet, toujours de service avec lui, profitait plus que personne de sa gourde et de ses cigares. Mais, irrévérencieux par nature, il se plaisait à le contredire, dénigrant le style peu correct des décrets, les conférences du Luxembourg, les Vésuviennes, les Tyroliens, tout jusqu'au char de l'agriculture, traîné par des chevaux à la place de bœufs et escorté de jeunes filles laides. Arnoux, au contraire, défendait le pouvoir et rêvait la fusion des partis. Cependant, ses affaires prenaient une tournure mauvaise. Il s'en inquiétait médiocrement. Les relations de Frédéric et de la maréchale ne l'avaient point attristé, car cette découverte l'autorisa, dans sa conscience, à supprimer la pension qu'il lui refaisait depuis le départ du prince. Il allégua l'embarras des circonstances, gémit beaucoup, et Rosanette fut généreuse. Alors M. Arnoux se considéra comme l'amant de cœur, ce qui le rehaussait dans son estime et le rajeunit. Ne doutant pas que Frédéric ne payât la maréchale, il s'imaginait faire une bonne farce, arriva même à s'en cacher, et lui laissait le champ libre quand ils se rencontraient. Ce partage blessait Frédéric, et les politesses de son rival lui semblaient une gouaillerie trop prolongée. Mais en se fâchant, il se fut ôté toute chance d'un retour vers l'autre, et puis c'était le seul moyen d'en entendre parler. Le marchand de faïence, suivant son usage, ou par malice peut-être, la rappelait volontiers dans sa conversation et lui demandait même pourquoi il ne venait plus la voir. Frédéric, ayant épuisé tous les prétextes, assura qu'il avait été chez Madame Arnoux plusieurs fois, inutilement. Arnoux en demeura convaincu, car souvent il s'extasiait devant elle sur l'absence de leur ami, et toujours elle répondait avoir manqué sa visite, de sorte que ces deux mensonges, au lieu de se couper, se corroboraient. La douceur du jeune homme et la joie de l'avoir pour dupe faisait qu'Arnoux le chérissait davantage. Il poussait la familiarité jusqu'aux dernières bornes, non par dédain, mais par confiance. Un jour, il lui écrivit qu'une affaire urgente l'attirait pour 24 heures en province. Il le priait de monter la garde à sa place. Frédéric n'osa le refuser et se rendit au poste du carrousel. Il eut à subir la société des gardes nationaux, et sauf un épurateur, homme facétieux qui buvait d'une manière exorbitante, tous lui parurent plus bêtes que leurs gibernes. L'entretien capital fut sur le remplacement des buffleteries par le ceinturon. D'autres s'emportaient contre les ateliers nationaux. On disait « Où allons-nous ? » Celui qui avait reçu l'apostrophe répondait en ouvrant les yeux, comme au bord d'un abîme « Où allons-nous ? » Alors un plus hardi s'écriait « Ça ne peut pas durer, il faut en finir. » Et les mêmes discours se répétant jusqu'au soir, Frédéric s'ennuya mortellement. Sa surprise fut grande quand, à 11 heures, il vit paraître Arnoux, lequel, tout de suite, dit qu'il accourait pour le libérer, son affaire étant finie. Il n'avait pas eu d'affaire. C'était une invention pour passer 24 heures seul avec Rosanette. Mais le brave Arnoux avait trop présumé de lui-même, si bien que dans sa lassitude, un remords l'avait pris. Il venait faire des remerciements à Frédéric et lui offrit à souper. « Mille grâces, je n'ai pas faim, je ne demande que mon lit. » « Raison de plus pour déjeuner ensemble, tantôt. Quelle mollasse vous êtes! On ne rentre pas chez soi maintenant, il est trop tard, ça serait dangereux. » Frédéric, encore une fois, céda. Arnoux, qu'on ne s'attendait pas à voir, fut choyé de ses frères d'armes, principalement de l'épurateur. Tous l'aimaient, et il était si bon garçon qu'il regretta la présence du sonnet. Mais il avait besoin de fermer l'œil une minute, pas davantage. « Mettez-vous près de moi, » dit-il à Frédéric, tout en s'allongeant sur le lit de camp, sans ôter ses buffleteries. Par peur d'une alerte, en dépit du règlement, il garda même son fusil, puis balbutia quelques mots « Ma chérie, mon petit ange », et ne tarda pas à s'endormir. Ceux qui parlaient se turent, et peu à peu il se fit dans le poste un grand silence. Frédéric, tourmenté par les puces, regardait autour de lui. La muraille, peinte en jaune, avait à moitié de sa hauteur une longue planche où les sacs formaient une suite de petites bosses, tandis qu'au-dessous, les fusils couleur de plomb étaient dressés les uns près des autres, et il s'élevait des ronflements produits par les gardes nationaux, dont les ventres se dessinaient d'une manière confuse dans l'ombre. Une bouteille vide et des assiettes couvraient le poêle. Trois chaises de paille entouraient la table où s'étalait un jeu de cartes. Un tambour, au milieu du banc, laissait pendre sa bricole. Le vent chaud arrivant par la porte faisait fumer le quinquet. Arnoux dormait les deux bras ouverts. Et comme son fusil était posé la crosse en bas un peu obliquement, la gueule du canon lui arrivait sous l'aisselle. Frédéric le remarqua et fut effrayé. « Mais non, j'ai tort, il n'y a rien à craindre, s'il mourait cependant. » Et tout de suite, des tableaux à n'en plus finir se déroulèrent. Il s'aperçut avec elle, la nuit, dans une chaise de poste, puis, au bord d'un fleuve, par un soir d'été, et sous le reflet d'une lampe, chez eux, dans leur maison. Il s'arrêtait même à des calculs de ménage, des dispositions domestiques, contemplant, palpant déjà son bonheur. Et pour le réaliser, il aurait fallu seulement que le chien du fusil se levât. On pouvait le pousser du bout de l'orteil, le coup partirait, ce serait un hasard, rien de plus. Frédéric s'étendit sur cette idée, comme un dramaturge qui compose. Tout à coup, il lui sembla qu'elle n'était pas loin de se résoudre en action, et qu'il fallait y contribuer, qu'il en avait envie. Alors, une grande peur le saisit. Au milieu de cette angoisse, il éprouvait un plaisir, et s'y enfonçait de plus en plus, sentant avec effroi ses scrupules disparaître. Dans la fureur de sa rêverie, le reste du monde s'effaçait, et il n'avait conscience de lui-même que par un intolérable serrement à la poitrine. « Prenons-nous le vin blanc ?» dit le purateur qui s'éveillait. Arnoux sauta par terre, et le vin blanc étant pris, voulut monter la faction de Frédéric. Puis il l'emmena déjeuner rue de Chartres, chez Parly, et comme il avait besoin de se refaire, il se commanda deux plats de viande, un homard, une omelette au rhum, une salade, etc., le tout arrosé d'un Sauternes 1819 avec un Romanée 42, sans compter le champagne au dessert et les liqueurs. Frédéric ne le contraria nullement. Il était gêné, comme si l'autre avait pu découvrir sur son visage les traces de sa pensée. Les deux coudes au bord de la table et penchés très bas, Arnoux, en le fatiguant de son regard, lui confiait ses imaginations. Il avait envie de prendre à ferme tous les remblais de la ligne du Nord pour y semer des pommes de terre, ou bien d'organiser sur les boulevards une cavalcade monstre où les célébrités de l'époque figureraient. Il louerait toutes les fenêtres, ce qui, à raison de 3 francs, en moyenne, produirait un joli bénéfice. Bref, il rêvait un grand coup de fortune par un accaparement. Il était moral, cependant, blâmait les excès, l'inconduite, parlait de son pauvre père, et tous les soirs, disait-il, faisait son examen de conscience avant d'offrir son âme à Dieu. « Un peu de curaçao, hein, comme vous voudrez. Quant à la République, les choses s'arrangeraient. Enfin, il se trouvait l'homme le plus heureux de la terre, et, s'oubliant, il vanta les qualités de Rosanette, la compara même à sa femme. C'était bien autre chose. On n'imaginait pas d'aussi belles cuisses. À votre santé !» Frédéric trinqua. Il avait, par complaisance, un peu trop bu. D'ailleurs, le grand soleil l'éblouissait, et quand ils remontèrent ensemble la rue Vivienne, leurs épaulettes se touchaient fraternellement. Rentré chez lui, Frédéric dormit jusqu'à 7 heures. Ensuite, il s'en alla chez la maréchale. Elle était sortie avec quelqu'un. Avec Arnoux, peut-être. Ne sachant que faire, il continua sa promenade sur le boulevard, mais ne put dépasser la porte Saint-Martin, tant il y avait de monde. La misère abandonnait à eux-mêmes un nombre considérable d'ouvriers. Et ils venaient là, tous les soirs, se passer en revue sans doute, et attendre un signal. Malgré la loi contre les attroupements, ces clubs du désespoir augmentaient d'une manière effrayante, et beaucoup de bourgeois s'y rendaient quotidiennement, par bravade, par mode. Tout à coup, Frédéric aperçut à 3 pas de distance M. Dambreuse avec Martinon. Il tourna la tête, car M. Dambreuse s'étant fait nommer représentant, il lui gardait rancune, mais le capitaliste l'arrêta. « Un mot, cher monsieur, j'ai des explications à vous fournir. Je n'en demande pas. De grâce, écoutez-moi. » Ce n'était nullement sa faute. On l'avait prié, contraint en quelque sorte. Martinon, tout de suite, appuya ses paroles. Des Nogentais en députation s'étaient présentés chez lui. D'ailleurs, j'ai cru être libre du moment. Une poussée de monde sur le trottoir força M. D'Ambreuse à s'écarter. Une minute après, il reparut en disant à Martinon « C'est un vrai service, cela. Vous n'aurez pas à vous repentir. » Tous les trois s'adossèrent contre une boutique afin de causer plus à l'aise. On criait de temps en temps « Vive Napoléon ! Vive Barbès ! À bas Marie !» La foule innombrable parlait très haut, et toutes ces voix, répercutées par les maisons, faisaient comme le bruit continuel des vagues dans un port. À de certains moments, elles se taisaient. Alors, la Marseillaise s'élevait. Sous les portes cochères, des hommes d'allure mystérieuse proposaient des canadars. Quelquefois, deux individus, passant l'un devant l'autre, clignaient de l'œil et s'éloignaient prestement. Des groupes de badauds occupaient les trottoirs. Une multitude compacte s'agitait sur le pavé. Des bandes entières d'agents de police, sortant des ruelles, y disparaissaient à peine entrées. De petits drapeaux rouges, çà et là, semblaient des flammes. Les cochers, du haut de leur siège, faisaient de grands gestes, puis s'en retournaient. C'était un mouvement, un spectacle des plus drôles. « Comme tout cela, dit Martinon, aurait amusé Mademoiselle Cécile. « Ma femme, vous savez bien, n'aime pas que ma nièce vienne avec nous, » reprit en souriant M. D'Ambreuse. On ne l'aurait pas reconnu. Depuis 3 mois, il criait « Vive la République !» Et même, il avait voté le bannissement des d'Orléans. Mais les concessions devaient finir. Il se montrait furieux jusqu'à porter un casse-tête dans sa poche. Martinon aussi en avait un. La magistrature n'étant plus inamovible, il s'était retiré du parquet, si bien qu'il dépassait en violence M. D'Ambreuse. Le banquier haïssait particulièrement Lamartine, pour avoir soutenu Ledru Rollin, et avec lui Pierre Leroux, Proudhon, considérant, l'amenait, tous les cerveaux brûlés, tous les socialistes. Car enfin, que valent-ils? On a supprimé l'octroi sur la viande et la contrainte par corps. Maintenant, on étudie le projet d'une banque hypothécaire. L'autre jour, c'était une banque nationale. Et voilà 5 millions au budget pour les ouvriers. Mais heureusement, c'est fini, grâce à M. de Falloux. Bon voyage, qu'il s'en aille. En effet, ne sachant comment nourrir les 130 000 hommes des ateliers nationaux, le ministre des Travaux publics avait, ce jour-là même, signé un arrêté qui invitait tous les citoyens entre 18 et 20 ans à prendre du service comme soldats ou bien à partir vers les provinces pour y remuer la terre. Cette alternative les indigna, persuadés qu'on voulait détruire la République. L'existence loin de la capitale les affligeait comme un exil. Ils se voyaient mourant par les fièvres dans des régions farouches. Pour beaucoup d'ailleurs, accoutumés à des travaux délicats, l'agriculture semblait un avilissement. C'était un leurre, enfin, une dérision, le déni formel de toutes les promesses. S'ils résistaient, on emploierait la force. Ils n'en doutaient pas et se disposaient à la prévenir. Vers 9 heures, les attroupements formés à la Bastille et au Châtelet refluèrent sur le boulevard. De la porte Saint-Denis à la porte Saint-Martin, cela ne faisait plus qu'un grouillement énorme, une seule masse d'un bleu sombre, presque noir. Les hommes que l'on entrevoyait avaient tous les prunelles ardentes, le teint pâle, des figures amaigries par la faim, exaltées par l'injustice. Cependant, des nuages s'amoncelaient. Le ciel orageux chauffant l'électricité de la multitude, elle tourbillonnait sur elle-même, indécise, avec un large balancement de houle. Et l'on sentait dans ses profondeurs une force incalculable, et comme l'énergie d'un élément. Puis, tous se mirent à chanter « Des lampions ! Des lampions !» Plusieurs fenêtres ne s'éclairaient pas. Des cailloux furent lancés dans leurs carreaux. M. D'Ambreuse jugea prudent de s'en aller. Les deux jeunes gens le reconduisirent. Il prévoyait de grands désastres. Le peuple, encore une fois, pouvait envahir la chambre. Et à ce propos, il raconta comment il serait mort le 15 mai sans le dévouement d'un garde national. « Mais c'est votre ami, j'oubliais. Votre ami, le fabricant de faïence, Jacques Arnoux. » Les gens de l'émeute l'étouffaient. Ce brave citoyen l'avait pris dans ses bras et déposé à l'écart. Aussi, depuis lors, une sorte de liaison s'était faite. « Il faudra un de ces jours dîner ensemble. Et puisque vous le voyez souvent, assurez-le que je l'aime beaucoup. C'est un excellent homme, calomnié selon moi. Et il a de l'esprit le matin. Mes compliments, encore une fois. Bien le bonsoir. » Frédéric, après avoir quitté M. d'Ambreuse, retourna chez la maréchale et, d'un air très sombre, dit qu'elle devait opter entre lui et Arnoux. Elle répondit avec douceur qu'elle ne comprenait goutte à des ragots pareils, n'aimait pas Arnoux, n'y tenait aucunement. Frédéric avait soif d'abandonner Paris. Elle ne repoussa pas cette fantaisie et ils partirent pour Fontainebleau dès le lendemain. L'hôtel où ils logèrent se distinguait des autres par un jet d'eau clapotant au milieu de la cour. Les portes des chambres s'ouvraient sur un corridor, comme dans les monastères. Celle qu'on leur donna était grande, fournie de bons meubles, tendue d'indienne et silencieuse, vu la rareté des voyageurs. Le long des maisons, des bourgeois inoccupés passaient. Puis, sous leurs fenêtres, quand le jour tomba, des enfants de la rue firent une partie de bar. Et cette tranquillité, succédant pour eux au tumulte de Paris, leur causait une surprise, un apaisement. Le matin de bonne heure, ils allèrent visiter le château. Comme ils entraient par la grille, ils aperçurent sa façade tout entière, avec les 5 pavillons à toits aigus et son escalier en fer à cheval se déployant au fond de la cour, que bordent, de droite et de gauche, 2 corps de bâtiments plus bas. Des lichens sur les pavés se mêlent de loin au ton fauve des briques, et l'ensemble du palais, couleur de rouille comme une vieille armure, avec quelque chose de royalement impassible, une sorte de grandeur militaire et triste. Enfin, un domestique, portant un trousseau de clés, parut. Il leur montra d'abord les appartements des reines, l'oratoire du pape, la galerie de François Ier, la petite table d'acajou sur laquelle l'empereur signa son abdication, et dans une des pièces qui divisait l'ancienne galerie des serres, l'endroit où Christine fit assassiner Monaldeschi. Rosanette écouta cette histoire attentivement, puis, se tournant vers Frédéric, « C'était par jalousie, sans doute. Prends garde à toi. » Ensuite, ils traversèrent la salle du conseil, la salle des gardes, la salle du trône, le salon de Louis XIII. Les hautes croisées, sans rideaux, épanchaient une lumière blanche. De la poussière ternissait légèrement les poignées des espagnolettes, le pied de cuivre des consoles, des nappes de grosse toile cachaient partout les fauteuils. On voyait au-dessus des portes des châsses Louis XV, et ça et là, des tapisseries représentant les dieux de l'Olympe, Psyché ou les batailles d'Alexandre. Quand elle passait devant les glaces, Rosanette s'arrêtait une minute pour lisser ses bandeaux. Après la cour du donjon et la chapelle Saint-Saturnin, ils arrivèrent dans la salle des fêtes. Ils furent éblouis par la splendeur du plafond, divisé en compartiments octogones, rehaussés d'or et d'argent, plus ciselés qu'un bijou, et par l'abondance des peintures qui couvrent les murailles depuis la gigantesque cheminée, où des croissants et des carquois entourent les armes de France, jusqu'à la tribune pour les musiciens, construite à l'autre bout, dans la largeur de la salle. Les 10 fenêtres en arcade étaient grandes ouvertes. Le soleil faisait briller les peintures. Le ciel bleu continuait indéfiniment l'outre-mer des cintres. Et du fond des bois, dont les cimes vaporeuses emplissaient l'horizon, il semblait venir un écho des hallalis poussés dans les trompes d'ivoire, et des ballets mythologiques, assemblant sous le feuillage des princesses et des seigneurs travestis en nymphes et en sylvains, époque de science ingénue, de passions violentes et d'art somptueux, quand l'idéal était d'emporter le monde dans un rêve des Hespérides et que les maîtresses des rois se confondaient avec les astres. La plus belle de ces fameuses s'était fait peindre à droite sous la figure de Diane Chasseresse, et même en Diane infernale, sans doute pour marquer sa puissance jusque par-delà le tombeau. Tous ces symboles confirment sa gloire. Il reste là quelque chose d'elle, une voix indistincte, un rayonnement qui se prolonge. Frédéric fut pris par une concupiscence rétrospective et inexprimable. Afin de distraire son désir, il se mit à considérer tendrement Rosanette, en lui demandant si elle n'aurait pas voulu être cette femme. « Quelle femme ? Diane de Poitiers ?» Il répéta. « Diane de Poitiers, la maîtresse d'Henri II. » Elle fit un petit « Ah !» Et ce fut tout. Son mutisme prouvait clairement qu'elle ne savait rien, ne comprenait pas, si bien que par complaisance il lui dit « Tu t'ennuies peut-être ?»« Non, non, au contraire. » Et le menton levé, tout en promenant alentour un regard des plus vagues, Rosanette lâcha ce mot. « Ça rappelle des souvenirs. » Cependant, on apercevait sur sa mine un effort, une intention de respect, et comme cet air sérieux la rendait plus jolie, Frédéric l'excusa. L'étang des carpes la divertit davantage. Pendant un quart d'heure, elle jeta des morceaux de pain dans l'eau pour voir les poissons bondir. Frédéric s'était assis près d'elle, sous les tilleuls. Il songeait à tous les personnages qui avaient hanté ses murs. Charles Quint, les Valois, Henri IV, Pierre le Grand, Jean-Jacques Rousseau, et les belles pleureuses des premières loges, Voltaire, Napoléon, Bicêtre, Louis-Philippe. Il se sentait environné, coudoyé par ces morts tumultueux. Une telle confusion d'images l'étourdissait, bien qu'il y trouvât du charme pourtant. Enfin, ils descendirent dans le parterre. C'était un vaste rectangle, laissant voir d'un seul coup ses larges allées jaunes, ses carrés de gazon, ses rubans de buis, ses ifs en pyramide, ses verdures basses et ses étroites plates-bandes où des fleurs clairsemées font des taches sur la terre grise. Au bout du jardin, un parc se déploie, traversé dans toute son étendue par un long canal. Les résidences royales ont en elles une mélancolie particulière, qui tient sans doute à leurs dimensions trop considérables pour le petit nombre de leurs hôtes, au silence qu'on est surpris d'y trouver après tant de fanfares, à leur luxe immobile, prouvant par sa vieillesse la fugacité des dynasties, l'éternelle misère de tout. Et cette exhalaison des siècles, engourdissante et funèbre comme un parfum de momie, se fait sentir même aux têtes naïves. Rosanette bâillait démesurément. Ils s'en retournèrent à l'hôtel. Après leur déjeuner, on leur amena une voiture découverte. Ils sortirent de Fontainebleau par un large rond-point, puis montèrent au pas une route sablonneuse dans un bois de petits pins. Les arbres devinrent plus grands, et le cocher, de temps à autre, disait « Voici les frères siamois, le pharamon, le bouquet du roi », n'oubliant aucun des sites célèbres, parfois même s'arrêtant pour les faire admirer. Ils entrèrent dans la futaie de Franchard. La voiture glissait comme un traîneau sur le gazon. Des pigeons qu'on ne voyait pas roucoulaient. Tout à coup, un garçon de café parut, et ils descendirent devant la barrière d'un jardin où il y avait des tables rondes, puis, laissant à gauche les murailles d'une abbaye en ruine, ils marchèrent sur de grosses roches et atteignirent bientôt le fond de la gorge. Elle est couverte, d'un côté, par un entremêlement de grès et de genévriers, tandis que de l'autre, le terrain presque nu s'incline vers le creux du vallon où, dans la couleur des bruyères, un sentier fait une ligne pâle, et on aperçoit tout au loin un sommet en cône aplati avec la tour d'un télégraphe par derrière. Une demi-heure après, ils mirent pied à terre encore une fois pour gravir les hauteurs d'Apremont. Le chemin faisait des zigzags entre les pins trapus, sous des rochers à profil anguleux. Tout ce coin de la forêt a quelque chose d'étouffé, d'un peu sauvage et de recueilli. On pense aux ermites, compagnons des grands cerfs portant une croix de feu entre leurs cornes, et qui recevaient avec de paternels sourires les bons rois de France, agenouillés devant leurs grottes. Une odeur résineuse emplissait l'air chaud, des racines à ras du sol s'entrecroisaient comme des veines. Rosanette trébuchait dessus, était désespérée, avait envie de pleurer. Mais tout en haut, la joie lui revint, en trouvant sous un toit de branchages une manière de cabaret où l'on vend des bois sculptés. Elle but une bouteille de limonade, s'acheta un bâton de houx, et sans donner un coup d'œil au paysage que l'on découvre du plateau, elle entra dans la caverne des brigands, précédée d'un gamin portant une torche. Leur voiture les attendait dans le bas-bréau. Un peintre en blouse bleue travaillait au pied d'un chêne, avec sa boîte à couleurs sur les genoux. Il leva la tête et les regarda passer. Au milieu de la côte de Chailly, un nuage crevant tout à coup leur fit rabattre la capote. Presque aussitôt la pluie s'arrêta, et les pavés des rues brillaient sous le soleil quand ils rentrèrent dans la ville. Des voyageurs, arrivés nouvellement, leur apprirent qu'une bataille épouvantable ensanglantait Paris. Rosanette et son amant n'en furent pas surpris. Puis tout le monde s'en alla, l'hôtel redevint paisible, le gaz s'éteignit, et ils s'endormirent au murmure du jet d'eau dans la cour. Le lendemain, ils allèrent voir la gorge aux loups, la mare aux fées, le long rocher, la marlotte. Le surlendemain, ils recommencèrent au hasard, comme leur cocher voulait, sans demander où ils étaient, et souvent même négligeant les sites fameux. Ils se trouvaient si bien dans leur vieux landau, bas comme un sofa et couvert d'une toile à raies déteintes. Les fossés pleins de broussailles filaient sous leurs yeux, avec un mouvement doux et continu. Des rayons blancs traversaient comme des flèches les hautes fougères. Quelquefois, un chemin, qui ne servait plus, se présentait devant eux en ligne droite, et des herbes s'y dressaient çà et là, mollement. Au centre des carrefours, une croix étendait ses quatre bras. Ailleurs, des poteaux se penchaient comme des arbres morts, et de petits sentiers courbes, en se perdant sous les feuilles, donnait envie de les suivre. Au même moment, le cheval tournait, ils y entraient, on enfonçait dans la boue. Plus loin, de la mousse avait poussé au bord des ornières profondes. Ils se croyaient loin des autres, bien seuls, mais tout à coup, passait un garde-chasse avec son fusil, ou une bande de femmes en haillons traînant sur leur dos de longues bourrées. Quand la voiture s'arrêtait, il se faisait un silence universel. Seulement, on entendait le souffle du cheval dans les brancards, avec un cri d'oiseau très faible, répété. La lumière, à de certaines places éclairant la lisière du bois, laissait les fonds dans l'ombre, ou bien, atténuée sur les premiers plans par une sorte de crépuscule, elle étalait dans les lointains des vapeurs violettes, une clarté blanche. Au milieu du jour, le soleil, tombant d'aplomb sur les larges verdures, les éclaboussait, suspendait des gouttes argentines à la pointe des branches, rayait le gazon de traînées d'émeraudes, jetait des taches d'or sur les couches de feuilles mortes. En se renversant la tête, on apercevait le ciel entre les cimes des arbres. Quelques-uns, d'une altitude démesurée, avaient des airs de patriarches et d'empereurs, ou, se touchant par le bout, formaient avec leurs longs fûts comme des arcs de triomphe. D'autres, poussés de le bas obliquement, semblaient des colonnes près de tomber. Cette foule de grosses lignes verticales s'entr'ouvrait. Alors, d'énormes flots verts se déroulaient en bosselages inégaux jusqu'à la surface des vallées où s'avançait la croupe d'autres collines dominant des plaines blondes qui finissaient par se perdre dans une pâleur indécise. Debout, l'un près de l'autre, sur quelque éminence du terrain, ils sentaient, tout en humant le vent, leur entrer dans l'âme comme l'orgueil d'une vie plus libre, avec une surabondance de force, une joie sans cause. La diversité des arbres faisait un spectacle changeant. Les hêtres, à l'écorce blanche et lisse, entremêlaient leurs couronnes. Des frênes courbaient mollement leurs glauques ramures. Dans les cépés de charme, des houx pareils à du bronze se hérissaient. Puis venait une file de minces bouleaux, inclinés dans des attitudes élégiaques, et les pins, symétriques comme des tuyaux d'orgue, en se balançant continuellement, semblaient chanter. Il y avait des chênes rugueux énormes, qui se convulsaient, s'étiraient du sol, s'étreignaient les uns les autres, et fermes sur leurs troncs, pareils à des torses, se lançaient avec leurs bras nus des appels de désespoir, des menaces furibondes, comme un groupe de titans immobilisés dans leur colère. Quelque chose de plus lourd, une langueur fiévreuse planait au-dessus des mares, découpant la nappe de leurs eaux entre des buissons d'épines. Les lichens de leurs berges, où les loups viennent boire, sont couleur de soufre, brûlés comme par le pas des sorcières, et le coassement ininterrompu des grenouilles répond aux cris des corneilles qui tournoient. Ensuite, ils traversaient des clairières monotones, plantées d'un baliveau çà et là. Un bruit de fer, des coups de rue et nombreux sonnaient. C'était, au flanc d'une colline, une compagnie de carriers battant les roches. Elles se multipliaient de plus en plus et finissaient par remplir tout le paysage, cubiques comme des maisons, plates comme des dalles, s'étayant, se surplombant, se confondant, telles que les ruines méconnaissables et monstrueuses de quelques cités disparues. Mais la furie même de leur chaos faisait plutôt rêver à des volcans, à des déluges, aux grands cataclysmes ignorés. Frédéric disait qu'elles étaient là depuis le commencement du monde et resteraient ainsi jusqu'à la fin. Rosanette détournait la tête en affirmant que ça la rendrait folle et s'en allait cueillir des bruyères. Leurs petites fleurs violettes, tassées les unes près des autres, formaient des plaques inégales et la terre qui s'écroulait de dessous mettait comme des franges noires au bord des sables pailletés de mica. Ils arrivèrent un jour à mi-hauteur d'une colline tout en sable. Sa surface, vierge de pas, était rayée en ondulations symétriques, çà et là, tels que des promontoires sous le lit desséché d'un océan, se levaient des roches ayant de vagues formes d'animaux, tortues avançant la tête, phoques qui rampent, hippopotames et ours. Personne, aucun bruit. Les sables, frappés par le soleil, éblouissaient, et tout à coup, dans cette vibration de la lumière, les bêtes parurent remuer. Ils s'en retournèrent vite, fuyant le vertige, presque effrayés. Le sérieux de la forêt les gagnait. Ils avaient des heures de silence où, se laissant aller au bercement des ressorts, ils demeuraient comme engourdis dans une ivresse tranquille. Le bras sous la taille, ils l'écoutaient parler pendant que les oiseaux gazouillaient, observaient presque du même coup d'œil les raisins noirs de sa capote et les baies des genévriers, les draperies de son voile, les volutes des nuages. Et quand ils se penchaient vers elle, la fraîcheur de sa peau se mêlait au grand parfum des bois. Ils s'amusaient de tout. il se montrait, comme une curiosité, des fils de la Vierge suspendus aux buissons, des trous pleins d'eau au milieu des pierres, un écureuil sur les branches, le vol de deux papillons qui les suivaient, ou bien, à 20 pas d'eux, sous les arbres, une biche marchait, tranquillement, d'un air noble et doux, avec son faon côte à côte. Rosanette aurait voulu courir après, pour l'embrasser. Elle eut bien peur une fois, quand un homme se présenta tout à coup, lui montra dans une boîte 3 vipères. Elle se jeta vivement contre Frédéric. Il fut heureux de ce qu'elle était faible et de se sentir assez fort pour la défendre. Ce soir-là, ils dînèrent dans une auberge au bord de la Seine. La table était près de la fenêtre, Rosanette en face de lui, et il contemplait son petit nez fin et blanc, ses lèvres retroussées, ses yeux clairs, ses bandeaux châtains qui bouffaient, sa jolie figure ovale. Sa robe de foulard écru collait à ses épaules un peu tombantes, et sortant de leurs manchettes toutes unies, ses deux mains découpaient, versaient à boire, s'avançaient sur la nappe. On leur servit un poulet avec les 4 membres étendus, une matelote d'anguilles dans un compotier en terre de pipe, du vin râpeux, du pain trop dur, des couteaux ébréchés. Tout cela augmentait le plaisir, l'illusion. Ils se croyaient presque au milieu d'un voyage, en Italie, dans leur lune de miel. Avant de repartir, ils allèrent se promener le long de la berge. Le ciel, d'un bleu tendre, arrondi comme un dôme, s'appuyait à l'horizon sur la dentelure des bois. En face, au bout de la prairie, il y avait un clocher dans un village, et plus loin, à gauche, le toit d'une maison faisait une tache rouge sur la rivière, qui semblait immobile dans toute la longueur de sa sinuosité. Des joncs se penchaient pourtant, et l'eau secouait légèrement des perches plantées au bord pour tenir des filets. Une nasse d'osier, 2 ou 3 vieilles chaloupes étaient là. Près de l'auberge, une fille en chapeau de paille tirait des seaux d'un puits. Chaque fois qu'il remontait, Frédéric écoutait avec une jouissance inexprimable le grincement de la chaîne. Il ne doutait pas qu'il ne fût heureux pour jusqu'à la fin de ses jours, tant son bonheur lui paraissait naturel, inhérent à sa vie et à la personne de cette femme. Un besoin le poussait à lui dire des tendresses. Elle y répondait par de gentilles paroles, de petites tapes sur l'épaule, des douceurs dont la surprise le charmait. Il lui découvrait enfin une beauté toute nouvelle, qui n'était peut-être que le reflet des choses ambiantes, à moins que leur virtualité secrète ne l'eût fait s'épanouir. Quand il se reposait au milieu de la campagne, il s'étendait la tête sur ses genoux à l'abri de son ombrelle, ou bien, couché sur le ventre au milieu de l'herbe, ils restaient l'un en face de l'autre à se regarder, plongeant dans leurs prunelles, altérés d'eux-mêmes, s'en assouvissant toujours, puis, les paupières entrefermées, ne parlant plus. Quelquefois, ils entendaient tout au loin des roulements de tambours. C'était la générale que l'on battait dans les villages pour les défendre Paris. « Ah, tiens, l'émeute !» disait Frédéric avec une pitié dédaigneuse. Toute cette agitation lui apparaissant misérable à côté de leur amour et de la nature éternelle. Et ils causaient de n'importe quoi, de choses qu'ils savaient parfaitement, de personnes qui ne les intéressaient pas, de 1000 niaiseries. Elle l'entretenait de sa femme de chambre et de son coiffeur. Un jour, elle s'oublia à dire son âge, 29 ans. Elle devenait vieille. En plusieurs fois, sans le vouloir, elle lui apprit des détails sur elle-même. Elle avait été demoiselle dans un magasin, avait fait un voyage en Angleterre, commencé des études pour être actrice, tout cela sans transition, et ils ne pouvaient reconstruire un ensemble. Elle en conta plus long. Un jour qu'ils étaient assis sous un platane, au revers d'un pré, en bas, sur le bord de la route, une petite fille, nu-pied dans la poussière, faisait paître une vache. Dès qu'elle les aperçut, elle vint leur demander l'aumône, et tenant d'une main son jupon en lambeaux, elle grattait de l'autre ses cheveux noirs qui entouraient, comme une perruque à Louis XIV, toute sa tête brune, illuminée par des yeux splendides. « Elle sera bien jolie plus tard, » dit Frédéric. « Quelle chance pour elle si elle n'a pas de mère, » reprit Rosanette. « Hein, comment ?»« Mais oui, moi, sans la mienne. » Elle soupira, et se mit à parler de son enfance. Ses parents étaient des canuts de la Croix-Rousse. Elle servait son père comme apprenti. Le pauvre bonhomme avait beau s'exténuer, sa femme l'invectivait et vendait tout pour aller boire. Rosanette voyait leur chambre avec les métiers rangés en longueur contre les fenêtres, le pot-bouille sur le poêle, le lit peint en acajou, une armoire en face et la soupente obscure où elle avait couché jusqu'à 15 ans. Enfin, un monsieur était venu, un homme gras, la figure couleur de buis, des façons de dévots, habillés de noir. Sa mère et lui eurent ensemble une conversation, si bien que 3 jours après, Rosanette s'arrêta, et avec un regard plein d'impudeur et d'amertume, « C'était fait. » Puis, répondant au geste de Frédéric, « Comme il était marié, il aurait craint de se compromettre dans sa maison. On m'amena dans un cabinet de restaurateur. Et on m'avait dit que je serais heureuse, que je recevrais un beau cadeau. Dès la porte, la première chose qui m'a frappée, c'était un candélabre de vermeil, sur une table où il y avait 2 couverts. Une glace au plafond les reflétait, et les tentures des murailles en soie bleue faisaient ressembler tout l'appartement à une alcôve. Une surprise m'a saisi. Tu comprends? Un pauvre être qui n'a jamais rien vu. Malgré mon éblouissement, j'avais peur. Je désirais m'en aller. Je suis resté pourtant. Le seul siège qu'il y eut était un divan contre la table. Il a cédé sous moi avec mollesse. La bouche du calorifère dans le tapis m'envoyait une haleine chaude, et je restais là sans rien prendre. Le garçon qui se tenait debout m'a engagé à manger. Il m'a versé tout de suite un grand verre de vin. La tête me tournait. J'ai voulu ouvrir la fenêtre. Il m'a dit « Non, mademoiselle, c'est défendu. » Et il m'a quitté. La table était couverte d'un tas de choses que je ne connaissais pas. Rien ne m'a semblé bon. Alors je me suis rabattu sur un pot de confiture, et j'attendais toujours. Je ne sais quoi l'empêchait de venir. Il était très tard, minuit au moins. Je n'en pouvais plus de fatigue. En repoussant des oreillers pour mieux m'étendre, je rencontre sous ma main une sorte d'album, un cahier. C'était des images obscènes. Je dormais dessus quand il est entré. Elle baissa la tête et demeura pensive. Les feuilles autour d'eux susurraient dans un fouillis d'herbe. Une grande digitale se balançait. La lumière coulait comme une onde sur le gazon. Et le silence était coupé à intervalles rapides par le broutement de la vache qu'on ne voyait plus. Rosanette considérait un point par terre, à 3 pas d'elle, fixement. Les narines battantes, absorbées. Frédéric lui prit la main. « Comme tu as souffert, pauvre chérie. »« Oui, » dit-elle, « plus que tu ne crois. »« Jusqu'à vouloir en finir, on m'a repêché. »« Comment ?»« Ah, n'y pensons plus. Je t'aime, je suis heureuse, embrasse-moi. » Et l'hôte à une, les brindilles des chardons accrochés dans le bas de sa robe. Frédéric songeait surtout à ce qu'elle n'avait pas dit. Par quel degré avait-elle pu sortir de la misère ? À quel amant devait-elle son éducation ? Que s'était-il passé dans sa vie jusqu'au jour où il était venu chez elle pour la première fois ? Son dernier aveu interdisait les questions. Il lui demanda seulement comment elle avait fait la connaissance d'Arnoux. « Par la Vatnaz. » « N'était-ce pas toi que j'ai vu une fois au palais royal avec eux deux ?» Il cita la date précise. Rosanette fit un effort. « Oui, c'est vrai. Je n'étais pas gai dans ce temps-là. » Mais Arnoux s'était montré excellent. Frédéric n'en doutait pas. Cependant, leur ami était un drôle d'homme, plein de défauts. Il eut soin de les rappeler. Elle en convenait. « N'importe, on l'aime tout de même, ce chameau-là. »« Encore, maintenant ?» dit Frédéric. Elle se mit à rougir, moitié riante, moitié fâchée. « Et non, c'est de l'histoire ancienne. Je ne te cache rien. Quand même cela serait, lui, c'est différent. D'ailleurs, je ne te trouve pas gentil pour ta victime. »« Ma victime ?» Rosanette lui prit le menton. « Sans doute. » Et s'essayant à la manière des nourrices, « Avons pas toujours été bien sages? Avons fait dodo avec sa femme ?»« Moi, jamais de la vie. » Rosanette sourit. Il fut blessé de son sourire. Preuve d'indifférence, crut-il. Mais elle reprit doucement et avec un de ces regards qui implorent le mensonge. « Bien sûr. »« Certainement. » Frédéric jura sa parole d'honneur qu'il n'avait jamais pensé à Madame Arnoux, étant trop amoureux d'une autre. « De qui donc ?»« Mais de vous, ma toute belle. »« Ah, ne te moque pas de moi, tu m'agaces. » Il jugea prudent d'inventer une histoire, une passion. Il trouva des détails circonstanciés. Cette personne, du reste, l'avait rendu fort malheureux. « Décidément, tu n'as pas de chance, » dit Rosanette. « Oh, peut-être. » Voulant faire entendre par là plusieurs bonnes fortunes, afin de donner de lui meilleure opinion, de même que Rosanette n'avouait pas tous ses amants pour qu'il l'estimât davantage, car, au milieu des confidences les plus intimes, il y a toujours des restrictions, par fausse honte, délicatesse, pitié. On découvre chez l'autre ou dans soi-même des précipices ou des fanges qui empêchent de poursuivre. On sent d'ailleurs que l'on ne serait pas compris. Il est difficile d'exprimer exactement quoi que ce soit. Aussi, les unions complètes sont rares. La pauvre maréchale n'en avait jamais connu de meilleur. Souvent, quand elle considérait Frédéric, des larmes lui arrivaient aux paupières, puis elle levait les yeux ou les projetait vers l'horizon, comme si elle avait aperçu quelque grande aurore, des perspectives de félicité sans bornes. Enfin, un jour, elle avoua qu'elle souhaitait faire dire une messe pour que ça porte bonheur à notre amour. D'où venait donc qu'elle lui avait résisté pendant si longtemps? Elle n'en savait rien elle-même. Il renouvela plusieurs fois sa question, et elle répondait en le serrant dans ses bras. « C'est que j'avais peur de t'aimer trop, mon chéri. » Le dimanche matin, Frédéric lut dans un journal, sur une liste de blessés, le nom de Dussardier. Il jeta un cri, et montrant le papier à Rosanette, déclara qu'il allait partir immédiatement. « Pourquoi faire ?»« Mais pour le voir, le soigner. » Tu ne vas pas me laisser seul, j'imagine. Viens avec moi. Ah, que j'aille me fourrer dans une bagarre pareille, merci bien. Cependant, je ne peux pas... Ta ta ta, comme si on manquait d'infirmiers dans les hôpitaux. Et puis, qu'est-ce que ça leur gardait encore, celui-là? Chacun pour soi. Il fut indigné de cet égoïsme, et il se reprocha de n'être pas là-bas avec les autres. Tant d'indifférence au malheur de la patrie avait quelque chose de mesquin et de bourgeois. Son amour lui pesa tout à coup comme un crime. Ils se boudèrent pendant une heure. Puis, elle le supplia d'attendre, de ne pas s'exposer. « Si par hasard, on te tue ? Eh, je n'aurais fait que mon devoir. » Rosanette bondit. D'abord, son devoir était de l'aimer. C'est qu'il ne voulait plus d'elle, sans doute. Ce n'avait pas le sens commun. Quelle idée, mon Dieu ! Frédéric sonna pour avoir la note. Mais il n'était pas facile de s'en retourner à Paris. La voiture des messageries Le Loir venait de partir. Les berlines Lecomte ne partiraient pas. La diligence du Bourbonnais ne passerait que tard dans la nuit et serait peut-être pleine. On n'en savait rien. Quand il eut perdu beaucoup de temps à ces informations, l'idée lui vint de prendre la poste. Le maître de poste refusa de fournir des chevaux, Frédéric n'ayant point de passeport. Enfin, il loua une calèche, la même qui les avait promenés, et ils arrivèrent devant l'hôtel du commerce, à Melun, vers 5 heures. La place du marché était couverte de faisceaux d'armes. Le préfet avait défendu aux gardes nationaux de se porter sur Paris. Ceux qui n'étaient pas de son département voulaient continuer leur route. On criait. L'auberge était pleine de tumulte. Rosanette, prise de peur, déclara qu'elle n'irait pas plus loin, et le supplia encore de rester. L'aubergiste et sa femme se joignirent à elle. Un brave homme qui dînait s'en mêla, affirmant que la bataille serait terminée d'ici à peu. D'ailleurs, il fallait faire son devoir. Alors, la maréchale redoubla de sanglots. Frédéric était exaspéré. Il lui donna sa bourse, l'embrassa vivement et disparut. Arrivé à Corbeil, dans la gare, on lui apprit que les insurgés avaient de distance en distance coupé les rails, et le cocher refusa de le conduire plus loin. Ses chevaux, disait-il, étaient rendus. Par sa protection, cependant, Frédéric obtint un mauvais cabriolet qui, pour la somme de 60 francs, sans compter le pourboire, consentit à le mener jusqu'à la barrière d'Italie. Mais à 100 pas de la barrière, son conducteur le fit descendre et s'en retourna. Frédéric marchait sur la route quand tout à coup une sentinelle croisa la baïonnette. 4 hommes l'empoignèrent en vociférant. « C'en est un ! Prenez garde ! Fouillez-le ! Brigand ! Canaille !» Et sa stupéfaction fut si profonde qu'il se laissa entraîner au poste de la barrière, dans le rond-point même où convergent les boulevards des Gobelins et de l'Hôpital et les rues Godefroy et Mouffetard. 4 barricades formaient, au bout des 4 voies, d'énormes talus de pavés. Des torches çà et là grésillaient, malgré la poussière qui s'élevait. Il distingua des fantassins de la ligne et des gardes nationaux, tous le visage noir, débraillés, hagards. Il venait de prendre la place, avait fusillé plusieurs hommes. Leur colère durait encore. Frédéric dit qu'il arrivait de Fontainebleau au secours d'un camarade blessé, logeant rue Belfond. Personne d'abord ne voulut le croire. On examina ses mains, on flaira même son oreille pour s'assurer qu'il ne sentait pas la poudre. Cependant, à force de répéter la même chose, il finit par convaincre un capitaine qui ordonna à 2 fusiliers de le conduire au poste du Jardin des Plantes. Ils descendirent le boulevard de l'Hôpital Une forte brise soufflait. Elle le ranima. Ils tournèrent ensuite par la rue du marché aux chevaux. Le jardin des plantes, à droite, faisait une grande masse noire, tandis qu'à gauche, la façade entière de la pitié, éclairée à toutes ses fenêtres, flambait comme un incendie, et des ombres passaient rapidement sur les carreaux. Les deux hommes de Frédéric s'en allèrent. Un autre l'accompagna jusqu'à l'école polytechnique. La rue Saint-Victor était toute sombre, sans un bec de gaz, ni une lumière aux maisons. De 10 minutes en 10 minutes, on entendait « Sentinelle, prenez garde à vous !» Et ce cri, jeté au milieu du silence, se prolongeait comme la répercussion d'une pierre tombant dans un abîme. Quelquefois, un battement de pas lourd s'approchait. C'était une patrouille de 100 hommes au moins. Des chuchotements, de vagues cliquetis de fer s'échappaient de cette masse confuse, et s'éloignant avec un balancement rythmique, elles se fondaient dans l'obscurité. Il y avait au centre des carrefours un dragon à cheval, immobile. De temps en temps, une estafette passait au grand galop, puis le silence recommençait. Des canons en marche faisaient au loin sur le pavé un roulement sourd et formidable. Le cœur se serrait à ces bruits différents de tous les bruits ordinaires. Il semblait même élargir le silence, qui était profond, absolu, un silence noir. Des hommes en blouse blanche abordaient les soldats, leur disaient un mot et s'évanouissaient comme des fantômes. Le poste de l'école polytechnique regorgeait de monde. Des femmes encombraient le seuil, demandant à voir leur fils ou leur mari. On les renvoyait au panthéon transformé en dépôt de cadavres, et on n'écoutait pas Frédéric. Il s'obstina, jurant que son ami du Sardier l'attendait, allait mourir. On lui donna enfin un caporal pour le mener au haut de la rue Saint-Jacques, à la mairie du 12e arrondissement. La place du Panthéon était pleine de soldats couchés sur de la paille. Le jour se levait. Les feux du bivac s'éteignaient. L'insurrection avait laissé dans ce quartier-là des traces formidables. Le sol des rues se trouvait, d'un bout à l'autre, inégalement bosselé. Sur les barricades en ruine, il restait des omnibus, des tuyaux de gaz, des roues de charrette. De petites flaques noires, en de certains endroits, devaient être du sang. Les maisons étaient criblées de projectiles, et leurs charpentes se montraient sous les écaillures du plâtre. Des jalousies, tenant par un clou, pendaient comme des haillons. Les escaliers ayant croulé, des portes s'ouvraient sur le vide. On apercevait à l'intérieur des chambres avec leurs papiers en lambeaux. Des choses délicates s'y étaient conservées, quelquefois. Frédéric observa une pendule, un bâton de perroquet, des gravures. Quand il entra dans la mairie, les gardes nationaux bavardaient intarissablement sur les mots de Bréa et de Négrier, du représentant Charbonnel et de l'archevêque de Paris. On disait que le duc d'Aumale était débarqué à Boulogne, Barbès en fut de Vienne, que l'artillerie arrivait de Bourges et que les secours de la province affluaient. Vers 3 heures, quelqu'un apporta de bonnes nouvelles. Des parlementaires de l'émeute étaient chez le président de l'Assemblée. Alors, on se réjouit, et comme il avait encore 12 francs, Frédéric fit venir 12 bouteilles de vin, espérant par là hâter sa délivrance. Tout à coup, on crut entendre une fusillade. Les libations s'arrêtèrent. On regarda l'inconnu avec des yeux méfiants. Ce pouvait être Henri V. Pour n'avoir aucune responsabilité, ils le transportèrent à la mairie du 11e arrondissement, d'où on ne lui permit pas de sortir avant 9 heures du matin. Il alla en courant jusqu'au quai Voltaire. À une fenêtre ouverte, un vieillard en manche de chemise pleurait, les yeux levés. La Seine coulait paisiblement, le ciel était tout bleu. Dans les arbres des Tuileries, des oiseaux chantaient. Frédéric traversait le carrousel quand une civière vint à passer. Le poste, tout de suite, présenta les armes, et l'officier dit en mettant la main à son shako : Honneur au courage malheureux. Cette parole était devenue presque obligatoire. Celui qui la prononçait paraissait toujours solennellement ému. Un groupe de gens furieux escortait la civière en criant « Nous vous vengerons! Nous vous vengerons !» Les voitures circulaient sur le boulevard et des femmes devant les portes faisaient de la charpie. Cependant, l'émeute était vaincue, ou à peu près. Une proclamation de Cavaignac, affichée tout à l'heure, l'annonçait. Au haut de la rue Vivienne, un peloton de mobiles apparut. Alors, les bourgeois poussèrent des cris d'enthousiasme. Ils levaient leurs chapeaux, applaudissaient, dansaient, voulaient les embrasser, leur offrir à boire, et des fleurs jetées par des dames tombaient des balcons. Enfin, à 10 heures, au moment où le canon grondait pour prendre le faubourg Saint-Antoine, Frédéric arriva chez Dussardier. Il le trouva dans sa mansarde, étendu sur le dos et dormant. De la pièce voisine, une femme sortit à pas muets, Mademoiselle Vatnaz. Elle emmena Frédéric à l'écart et lui apprit comment Dussardier avait reçu sa blessure. Le samedi, au haut d'une barricade, dans la rue Lafayette, un gamin enveloppé d'un drapeau tricolore criait aux gardes nationaux « Allez-vous tirer contre vos frères ?» Comme il s'avançait, Dussardier avait jeté bas son fusil, écarté les autres, bondi sur la barricade et d'un coup de savate abattu l'insurgé en lui arrachant le drapeau. On l'avait retrouvé sous les décombres, la cuisse percée d'un lingot de cuivre. Il avait fallu débrider la plaie, extraire le projectile. Mademoiselle Vatnaz était arrivée le soir même et depuis ce temps-là ne le quittait plus. Elle préparait avec intelligence tout ce qu'il fallait pour les pansements, les détaboires, épiait ses moindres désirs, allait et venait, plus légère qu'une mouche, et le contemplait avec des yeux tendres. Frédéric, pendant 2 semaines, ne manqua pas de revenir tous les matins. Un jour qu'il parlait du dévouement de la Vatnaz, Dussardier haussa les épaules. « Eh non, c'est par intérêt. Tu crois ?» il reprit. « J'en suis sûr. » sans vouloir s'expliquer davantage. Elle le comblait de prévenance, jusqu'à lui apporter les journaux où l'on exaltait sa belle action. Ses hommages paraissaient l'importuner. Il avoua même à Frédéric l'embarras de sa conscience. Peut-être qu'il aurait dû se mettre de l'autre bord, avec les blouses, car enfin on leur avait promis un tas de choses qu'on n'avait pas tenues. Leurs vainqueurs détestaient la République, et puis on s'était montré bien dur pour eux. Ils avaient tort sans doute, pas tout à fait cependant. Et le brave garçon était torturé par cette idée qu'il pouvait avoir combattu la justice. Sénégal, enfermé aux Tuileries sous la terrasse du bord de l'eau, n'avait rien de ces angoisses. Ils étaient là, 900 hommes, entassés dans l'ordure, pêle-mêle, noirs de poudre et de sang caillé, grelottant la fièvre, criant de rage. Et on ne retirait pas ceux qui venaient à mourir parmi les autres. Quelquefois, au bruit soudain d'une détonation, ils croyaient qu'on allait tous les fusiller. Alors ils se précipitaient contre les murs, puis retombaient à leur place, tellement hébétés par la douleur, qu'il leur semblait vivre dans un cauchemar, une hallucination funèbre. La lampe suspendue à la voûte avait l'air d'une tache de sang, et de petites flammes vertes et jaunes voltigeaient, produites par les émanations du caveau. Dans la crainte des épidémies, une commission fut nommée. Dès les premières marches, le président se rejeta en arrière, épouvanté par l'odeur des excréments et des cadavres. Quand les prisonniers s'approchaient d'un soupirail, les gardes nationaux qui étaient de faction pour les empêcher d'ébranler les grilles fourraient des coups de baïonnette au hasard, dans le tas. Ils furent généralement impitoyables. Ceux qui ne s'étaient pas battus voulaient se signaler. C'était un débordement de peur. On se vengeait à la fois des journaux, des clubs, des attroupements, des doctrines, de tout ce qui exaspérait depuis 3 mois. Et en dépit de la victoire, l'égalité, comme pour le châtiment de ses défenseurs et la dérision de ses ennemis, se manifestait triomphalement. Une égalité de bêtes brutes, un même niveau de turpitude sanglante, car le fanatisme des intérêts équilibra les délires du besoin, l'aristocratie eut les fureurs de la crapule, et le bonnet de coton ne se montra pas moins hideux que le bonnet rouge. La raison publique était troublée comme après les grands bouleversements de la nature. Des gens d'esprit en restaient idiots pour toute leur vie. Le père Roch était devenu très brave, presque téméraire. Arrivé le 26 à Paris avec les Nogentais, au lieu de s'en retourner en même temps qu'eux, il avait été s'adjoindre à la garde nationale qui campait aux Tuileries, et il fut très content d'être placé en sentinelle devant la terrasse du bord de l'eau. Au moins là, il les avait sous lui, ces brigands. Il jouissait de leur défaite, de leur abjection, et ne pouvait se retenir de les invectiver. Un d'eux, un adolescent à longs cheveux blonds, mit sa face au barreau en demandant du pain. M. Roch lui ordonna de se taire, mais le jeune homme répétait d'une voix lamentable « Du pain ? Est-ce que j'en ai, moi ?» D'autres prisonniers apparurent dans le soupirail, avec leurs barbes hérissées, leurs prunelles flamboyantes, tous se poussant, hurlant « Du pain !» Le père Roch fut indigné de voir son autorité méconnue. Pour leur faire peur, il les mit en joue, et porté jusqu'à la voûte par le flot qui l'étouffait, le jeune homme, la tête en arrière, cria encore une fois « Du pain !» « Tiens, en voilà !» dit le père Roch en lâchant son coup de fusil. Il eut un énorme hurlement, puis rien. Au bord du baquet, quelque chose de blanc était resté. Après quoi, M. Roch s'en retourna chez lui. car ils possédaient rue Saint-Martin une maison où ils s'étaient réservé un pied-à-terre. Et les dommages causés par l'émeute à la devanture de son immeuble n'avaient pas contribué médiocrement à le rendre furieux. Il lui sembla, en la revoyant, qu'il s'était exagéré le mal. Son action de tout à l'heure l'apaisait comme une indemnité. Ce fut sa fille elle-même qui lui ouvrit la porte. Elle lui dit, tout de suite, que son absence trop longue l'avait inquiétée. Elle avait créé un malheur, une blessure. Cette preuve d'amour filial attendrit le père Roc. Il s'étonna qu'elle se fût mise en route sans Catherine. « Je l'ai envoyée faire une commission, » répondit Louise. Et elle s'informa de sa santé, de choses et d'autres, puis, d'un air indifférent, lui demanda si par hasard il n'avait pas rencontré Frédéric. Non, pas le moins du monde. C'était pour lui seul qu'elle avait fait le voyage. Quelqu'un marcha dans le corridor. Ah, pardon. Et elle disparut. Catherine n'avait point trouvé Frédéric. Il était absent depuis plusieurs jours et son ami intime, M. Delaurier, habitait maintenant la province. Louise reparut toute tremblante, sans pouvoir parler. Elle s'appuyait contre les meubles. « Qu'as-tu donc ?» s'écria son père. Elle fit signe que ce n'était rien, et par un grand effort de volonté se remit. Le traiteur d'en face apporta la soupe, mais le père Roc avait subi une trop violente émotion. Ça ne pouvait pas passer, et il eut au dessert une espèce de défaillance. On envoya chercher vivement un médecin qui prescrivit une potion. Puis, quand il fut dans son lit, M. Roc exigea le plus de couverture possible pour se faire suer. Il soupirait, il geignait. Merci, ma bonne Catherine. Baisse ton pauvre père, ma poulette. Ah, ces révolutions. Et comme sa fille le grondait, de s'être rendue malade en se tourmentant pour elle, il répliqua. Oui, tu as raison. Mais c'est plus fort que moi. Je suis trop sensible.